l'histoire d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Catherine Langlois nous racontera ses périples à travers le monde dans sa chronique Voyage. Et nos papilles vivront des péripéties dans notre segment culinaire Cheap, une grosse pointe en dresse. Bon, d'ailleurs, Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis. En ce jeudi 30 novembre 2017, on est à 148 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudelin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, là où le jeudi matin, ça sent le fond de tonne. Absolument, toujours. Mais c'est le dernier jour de novembre, donc notre calvaire va se terminer et demain, ça devrait bien aller. On espère. Décembre, c'est A1. C'est pas mal fin de session. Ouais. Fait que la plupart des étudiants arrêtent de sortir le mercredi soir. Ah, t'as raison. Et d'abuser le mercredi soir. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas, hein. Mais les planchers ce matin, au moins, c'est pas super. Je suis pas encore allée dans la chasse-galerie, mais j'ai vu une différence au niveau de mes souliers qui collent par terre. Le niveau de collance. C'était moindre. C'est moins pire. On vous remercie. Donc aujourd'hui à l'émission, Tania, on a un plan assez fabuleux pour oui. vous. On a Catherine Langlois qui va être de retour après une longue absence quand même. Je crois que ça fait un mois qu'on l'a pas vue. Donc elle va être de retour avec sa chronique Voyage vers 8h30. En fin d'émission, on a une grosse pointe en dresse. Donc on va goûter à quelque chose acheté en épicerie, en magasin, quelque chose de malsain. Aujourd'hui, on va croustiller quelque chose. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. On a aussi, qu'est-ce qui vient de ta chronique à toi, Tania? Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Eh bien, on va faire le tour de l'actualité comme chaque jeudi, bien évidemment. On se doit de le faire. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière. J'étais absente, manque de voix. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai décidé de revenir en force cette semaine. Vous allez voir, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça. Alors, ça s'en vient plus tard vers la fin de l'émission. On a aussi notre petit quiz de le vrai le faux à faire d'ici la fin. Alors, on va commencer avec son foutu palmarès dans quelques instants avec une thématique bouffe et mensonge. Oh, d'accord. Mais avant ça, on écoute une pièce de Marat Tremblay parce que le soleil va se réveiller bientôt. Sortir et vous avez vu les couleurs, comment c'est beau ce matin encore. Allons, voici avec le soleil, parce qu'on l'aime bien. Marat Tremblay. J'ai rendez-vous avec le soleil. Si j'arrive à l'heure, il m'offrira son dernier regard, son dernier élan, son grand déploiement. J'ai rendez-vous avec le soleil. Je le reçois. Mara Tremblay avec... Avec le soleil. Ben oui, c'est difficile à dire, avec. Oui, avec. Vous êtes à l'assemblage requis maintenant, c'est son foutu palmarès. Sur le tablier, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, notre thématique, bouffe et mensonges. Oh! En publicité, ça arrive que la nourriture soit vraiment, vraiment belle, puis quand ça arrive dans ton assiette, c'est plus ou moins beau. C'est vrai. Hein? Ça arrive. La vérité, ben, c'est que ces concoctions culinaires-là qu'on voit dans les publicités imprimées ou à la télé, ben, seraient probablement vraiment pas appétissantes sur votre assiette si vous saviez ce qu'il y a dedans ou ce qu'il y a dessus. En fait, ce serait vraiment pas juste et mangeable. Genre, on pourrait juste pas manger, ouais. Manger ça. Bref, on commence avec... c'est une liste de choses qu'on fait à la bouffe pour la rendre belle en publicité. Donc, on commence par de la colle. OK. Ouais, parce que le vrai lait fait que les céréales de déjeuner vont devenir toutes molles et pas très appétissantes assez rapidement. Hein? Mais la colle blanche ne fait pas ça. Ah? On a aussi utilisé par le passé du yogourt et du shampoing. Ben voyons. Pour préparer les céréales pour les publicités. Ah, merveilleux. Mais de la colle, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui est à la mode en ce moment. Ensuite, des éponges, des boules de coton et des tampons. Ouais, c'est important pour que la nourriture chaude ait l'air chaude. Ah, OK. Et la façon de faire ça, ben, c'est de montrer de la vapeur qui quitte le plat. Ah, hein? Oui. Et à la place d'arrêter à chaque quelques secondes, chaque quelques minutes pour réchauffer la nourriture, les photographes vont souvent tremper une de ces choses-là, éponge, boule de coton ou tampon, dans de l'eau, la passer au micro-ondes et cacher ça à quelque part pour que la vapeur continue de sortir plus longtemps. C'est pas fou. C'est bien, hein? Ensuite, une torche, mm-hmm. Un fer à marquer, là, un fer oui. Qui va faire une marque, et du truc pour polir les chaussures. Les produits de viande, souvent, ne sont pas cuits, parce que si on le cuit, ça va rapetisser la viande et ça va l'assécher. Donc, des choses comme des steaks et des hamburgers sont seulement grillés d'un côté avec une torche. Et après ça, des marques de grill sont ajoutées avec un fer à marquer. Et comme touche de finition, on met du polisseur à souliers ou du vernis pour donner une petite couleur succulente à la viande. C'est appétissant. Très. Ensuite, du carton et des cure-dents. Oui. Ouais. Un petit classique. Un classique. Et donc, les hamburgers qui sont prêts pour la photo seraient vraiment déplaisants côté... ça serait déplaisant à gérer sur le plateau. Donc typiquement, on va charger les hamburgers de carton pour plus de soutien et des cure-dents ou des pins, des aiguilles qui ont été stratégiquement placées pour garder la laitue, les oignons et le reste de tout ça pratiquement en forme parfaite pour la publicité imprimée. Ensuite, on parle d'huile à moteur et de protège-tissu. Ouais. Donc, on dit que le seul problème avec des crêpes ouais. au déjeuner, c'est que les crêpes sont très poreuses. Oui. Donc, le sirop passe au travers, est très absorbé, c'est on vrai. Le sait, on l'a tous vécu. Donc, les photographes vont résoudre ce problème-là en mettant une couche de protège-tissu en aérosol. Mm-hmm. Et étant donné que le sirop d'érable n'est pas toujours très beau à la caméra, on prend de l'huile à moteur à la place. Miam. Ensuite, du spray pour les cheveux. Ouais. Hein? Et du désodorisant en spray aussi. OK. Donc, les raisins qu'on peut voir dans des publicités, des fois, ont l'air très, très mât, donc pas trop reflétant, mm-hmm. parce qu'ils sont garnis de ces sprays-là en canne pour avoir l'air le plus mât possible. Et après ça, on ajoute, j'imagine, des petites gouttelettes d'eau ou de quelque chose d'autre qui ressemble à de l'eau. De la glycérine, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Justement, tiens. De la glycérine? J'ai dit mot glycérine, je crois que c'était inconsciemment parce que le prochain, c'est justement la glycérine. Donc, si un produit est froid ou glacé, la version publicité télé va être couverte de glycérine. La substance est utilisée partout dans les shootings pour donner un petit peu de gloss ou de brillance, donner l'apparence d'avoir un petit peu d'humidité, que ce soit sur une bouteille de bière ou sur des feuilles de salade, entre autres. Toujours dans la liste des choses qu'on utilise pour que la publicité soit plus attirante côté alimentation, on parle de serviettes de papier. Hein? OK. Elle s'était déjà mis dans un bol de crème glacée du sirop au chocolat. T'as regardé tout ça, le chocolat tomber au fond ou en dessous de la crème glacée. C'est pas cool, surtout pour des publicités. Donc, les photographes vont prendre des petits morceaux de serviettes de papier, vont mettre ça par-dessus la crème glacée et puis couvrir le papier lui-même de sirop. Et ça fait du très bon travail pour tenir le sirop en place. C'est vrai que ça doit bien fonctionner. Ouais. Ensuite, on parle de nourriture qui fait que d'autres nourritures ont l'air encore plus appétissantes. Okay. Donc, on parle de patates pilées. Mmh. Ouais, ces patates pilées-là sont utilisées pour plein de raisons esthétiques. On les met dans des seringues et ensuite on les insère directement dans la viande pour grossir certaines parties, par exemple d'une dinde. Hein? Ils sont ensuite teintes les patates de différentes couleurs et jouent le rôle de la crème glacée. On peut aussi les mettre dans des tartes pour avoir un intérieur plus solide qui ne va pas tomber en morceaux lorsqu'on va retirer une pointe. Tu sais, on voit tout le temps une pointe de pâté à quelque chose dans une publicité. Là, mettons une pub de Saint-Hubert, je sais pas trop quoi, un pâté à viande, un pâté au saumon. Et quand tu fais ça à la maison, ça tombe de tous les côtés. Mm-hmm. Bon, ben c'est parce qu'eux, ils rajoutent des patates. C'est pour ça que ça tient. Ensuite, de l'antiacide ou des bulles de savon. Les boissons gazeuses, ça a pas l'air si rafraîchissant que ça s'il y a pas une abondance de bulles. Donc, une petite tablette anti-acide, là. Tu sais, pas les Rolaids, comment t'appelles ça, les Alka-Seltzer, les petites pastilles que tu mets dans l'eau pour faire de l'effervescence, pour calmer les brûlements d'estomac. C'est ce qu'on utilise, des tablettes d'anti-acide, pour faire le plus de bulles possible. On utilise des fois aussi du savon à vaisselle pour créer de plus grandes bulles à la surface du breuvage. Hmm. Et finalement, des tweezers, des pinces à sourcils. Hein? Donc, on parle de photographie très, très spécifique ici. C'est typiquement un pain hamburger va méthodiquement être couvert de graines de sésame par une personne avec des pinces à sourcils, de la colle et beaucoup de patience. Ces pinces-là sont utiles pour assembler des plats à base de nouilles asiatiques ou italiennes. Donc, le placement, la forme, la courbe de chaque nouille va être vraiment disséquée, jugée et mise en place parfaitement. Exactement comme on fait tous avant de manger, placer sa nourriture parfaitement. Donc, c'était une petite liste de façons que les annonceurs publicitaires utilisent pour faire que la nourriture ait l'air plus attirante. On continue avec une autre liste, cette fois-ci, de trucs psychologiques de menus de restaurant. Menu de restaurant, oui, c'est plus que seulement une liste de plats. C'est stratégiquement créé par un ingénieur de menu et par un consultant pour s'assurer d'être facile à lire et surtout le plus profitable possible. Donc, Mental Floss nous a compilé une petite liste de ces faits. Commençons par le fait qu'on limite tes options. Les meilleurs menus ont une théorie psychologique derrière qu'on appelle le paradoxe du choix. C'est-à-dire que plus tu as d'options, plus tu vas être anxieux. Et le chiffre parfait est 7 options par catégorie. Donc, 7 entrées, 7 plats principaux, 7 desserts, max. Et quand on inclut plus que 7, l'invité du restaurant va se sentir un petit peu surpassé par les événements. Tellement. Confus. Il va se demander, il va prendre quelque chose qu'il a déjà mangé avant. C'est ce qu'on dit. Donc, il n'y a pas de honte à choisir qu'est-ce qu'on a déjà mangé, mais un bon menu va t'attirer vers quelque chose de différent et de peut-être un petit peu plus cher que ce que tu manges d'habitude. C'est vrai. Ah, il y a des restaurants qui ont oublié cette règle-là. Par exemple, le McDonald's, à l'origine, avait seulement quelques articles sur son menu, mais maintenant en offre plus de 140. Et si t'as déjà vu les menus, les écrans de menus depuis quelques années, ont presque rien d'écrit dessus. C'est vrai, hein? Ils ont des affaires, mais c'est même pas écrit, ces menus. L'autre fois, j'ai demandé à la fille, y a-t-il ça encore? Je me rappelle pas c'était quoi, là. Je veux dire, mettons, junior au poulet au bacon, je comprends pas. Il était pas affiché nulle part. Mais non, c'est ça. Mais il est encore là, si tu le veux, ça. C'est n'importe quoi. Bref, les revenus de la chaîne ont descendu de 11% dans le premier quart de 2015. Ils ont retiré plusieurs affaires. Bref. Ensuite, ils ajoutent des photos à leur menu. Évidemment, on a tous vu des menus de restaurants avec juste du texte. Et il faut que tu demandes au serveur, ça ressemble à quoi, c'est quoi, ça goûte quoi. C'est pas le fun. J'aime mieux des photos. Ça dépend si tu vas dans un restaurant spécialité. T'sais, automatiquement, si tu vas, par exemple, dans un restaurant thaï, tu sais que ça va être du thaï. Évidemment, évidemment. Mais inclure une photo à côté de ton article de menu, ça va augmenter les ventes de 30%. Oh, quand même. Wow, hein? Dans une étude de l'Iowa State University, les chercheurs ont testé un affichage numérique d'une salade chez des enfants d'un camp de la YMCA. Les campeurs qui ont vu la photo de la salade avaient 70% plus de chances de commander une salade pour dîner. Donc ou pour souper, peu importe. Okay. Donc tu réponds à l'image comme tu répondrais si l'assiette était physiquement devant toi. C'est pour ça que des menus de restaurants, je ne mentionnerai pas de nom, là, mais avec un menu très, très rendu fade par le soleil. On a tous des fois vu des menus qui avaient l'air jaune ou vert, tellement c'est dégueulasse. Moi, ça me donne pas envie de manger là partout. Ben non. Là. Tu sais, tu finis par choisir quelque chose, mais ça donne pas faim. Non, c'est ça. Il ne choisit pas plus d'affaires. Je sais pas, il faut que l'image soit un petit peu, soit qu'elle a l'air d'être en mouvement, qu'elle soit colorée, qu'elle représente quelque chose de réaliste ou en tout cas de vraiment appétissant. Mais il faut pas non plus mettre trop de photos parce que ça commence à rendre ça cheap. Mm-hmm. Il y a des menus pour livraison qui mettent beaucoup trop d'images dessus, toutes sampées l'un par-dessus l'autre. Plusieurs exemples du même article, ça sert à rien. Allez-y avec minimaliste, mais en même temps pas trop minimaliste. Et ensuite, on manipule les prix. Une façon de t'encourager à dépenser plus d'argent, c'est en rendant les prix aussi petits ou inapercevables que possible. Et souvent, t'as peut-être remarqué qu'on se débarrasse du signe de pièce. Oui, c'est vrai. Le signe de dollar est souvent enlevé, donc à la place de voir 12,00 signes de pièce pour le Club Sandwich, tu vas voir 12,00, ou même juste le chiffre 12. Mm-hmm. Une étude de l'Université Cornell nous apprend que les prix écrits en lettres, genre 12$, va encourager les invités à dépenser plus. Ah! Ouais. Et on dit aussi, bien évidemment, ça c'est dans tous les domaines de ce qui est à acheter, mais 9,95 est plus attirant que 10$. Bon, hein? C'est plus amical. C'est ça. Ouais. Et on dit de ne pas mettre de ligne avec des petits points. Tu sais, des fois, on va avoir, mettons, Club Sandwich, ... jusqu'à la fin de la feuille. Après ça, tu vas avoir 12, mettons, après. On devrait pas faire de ligne comme ça. En fait, c'est un crime contre les menus de mettre des petits points ou des lignes. Hein? Alors, on dit que c'était une façon de garder la page correctement formatée pour faire arriver les choses d'un bout à l'autre de la page. Mais ce que ça fait, c'est que les gens vont regarder de gauche à droite et vont regarder le prix pour voir s'ils peuvent se le permettre. La solution, c'est de mettre des prix discrètement après la description dans la même police de caractère pour que les yeux ne voient pas le chiffre. Tu n'iras pas jusqu'à la fin de la ligne. Tu sais, vraiment, pas pire. C'est pas pire crosseur, mais en même temps, ça a du sens. C'est vrai. On va utiliser ce qu'on appelle des decoys, c'est-à-dire des plats qui sont plus chers pour que les plats un petit peu moins chers aient l'air encore moins chers. Ben oui! Hein, sur les menus, la perspective est très importante et un truc est d'inclure quelque chose d'incroyablement cher près du sommet du menu et tout le reste va avoir l'air complètement raisonnable. Donc ton serveur s'attendra jamais à ce que tu prennes un homard à 300$, mais il va s'assurer que le steak à 70$ ait l'air vraiment tentant. Hein? Des articles plus chers, mais qui sont toujours dans les limites de ce qu'un client est prêt à payer, suggère aussi que la nourriture est de meilleure qualité. Donc la structure de prix peut littéralement faire que le client va se sentir plus satisfait en quittant le restaurant. Un exemple, c'est que dans une étude, on a donné à des participants un buffet à 8$ et un buffet à 4$. La nourriture était exactement la même, mais le buffet à 8$ a été mieux coté. Ah! C'est fou psychologiquement! C'est intéressant ça, quand même. Moi, j'en reviens jamais, c'est d'accord. Ensuite, on joue avec tes yeux. Ben oui. Un peu comme les supermarchés vont mettre les articles les plus profitables à la hauteur des yeux typiques d'une personne typique et les articles à rabais complètement en bas de la rangée et pour vrai magasiner les bas de rangée d'épicerie. Ça a l'air vraiment con, là, mais les emballages... Regardez en bas, c'est ouais. C'est vraiment moins cher. L'emballage de 32 barres tendres va être le prix de genre 8 dans une boîte normale. C'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup les bas de rangée, même si je suis grand, donc normalement, ça devrait être les hauts de rangée. Mais non. Bref, quand une personne est debout, avec les yeux devant, ben c'est la place parfaite. Le haut à droite, c'est là qu'une personne va aller sur une feuille de papier vide ou dans un magazine. On commence tout le temps par le haut à droite. Donc, c'est ce qui est le plus important dans un journal, entre autres, tout ce qui est en haut à droite. C'est là que les choses les plus profitables vont. Donc, on construit un menu de la même façon. Donc, les entrées vont être en haut à gauche, les salades en dessous et les affaires qui sont vraiment importantes, plus en haut à droite, qui vont maximiser les profits. Un autre truc est de mettre de l'espace autour des articles qui ont le plus haut taux de profit. On les met dans des boîtes ou sinon on les sépare du reste des options. Donc quand on met ça dans un endroit séparé des autres endroits, ça attire l'œil, ça attire l'attention et ça t'aide à le vendre, ce qui est logique encore une fois. Ensuite, on utilise des couleurs. Je rappelle qu'on est dans la liste des trucs psychologiques pour vous vendre des choses en restaurant. Donc, on utilise la couleur, différentes couleurs qui aident à donner des émotions et à motiver ton comportement. Le bleu, on sait, c'est une couleur calmante. Donc, ça va être utilisé pour créer un effet calmant en regardant le menu. Des restaurants vont des fois utiliser, je sais pas si t'as remarqué, certains restaurants, sinon quasiment tous, le rouge et le jaune. Hein, c'est que ces couleurs-là affecte apparemment notre humeur, même si les preuves sont plutôt difficiles à trouver. Mais on dit à un endroit que le rouge stimule l'appétit alors que le jaune attire ton attention. C'est pour ça qu'on combine souvent le rouge et le jaune ensemble. Ensuite, on utilise un langage plutôt fancy. Des descriptions plus détaillées, ça vend plus de nourriture. Presque 30% de plus selon une étude de Cornell. Plus t'écris de texte sur un menu, moins ça a l'air de coûter dans l'esprit de la personne parce que tu leur en donnes plus pour leur argent. Donc ils vont lister chaque affaire dans ton burger ou peu importe parce que t'as l'impression que ça vaut plus la peine de payer parce que t'as plus d'affaires dans ton... Et pour vrai, avant d'avoir lu cet article-là, je me souviens d'avoir commandé des affaires juste parce qu'il y avait l'air d'avoir plus d'affaires dedans et que ça allait peut-être plus me remplir. Donc ça fonctionne sur moi. Du pudding au chocolat devient un pudding au chocolat satiné avec, bon, tu sais, peu importe. Et les gens vont même dire que ça goûte meilleur, même si c'est le même article de menu. Les gens goûtent ce que tu leur dis que ça goûte. Des fois, dans une grosse pointe d'adresse, on dit le contraire, tu sais, là. Ça dit dans les ingrédients, ça goûte telle affaire, puis on dit que ça goûte autre chose. Peut-être qu'on est moins influençables, nous deux, là-dessus. Je sais pas. Bref. On dit que les adjectifs comme poisson attrapé sur la ligne ou poulet élevé sur une ferme ou des œufs de source locale, ça turn on, ça allume les gens qui regardent le menu. Ça augmente leur perception de la qualité de l'article. Voilà. Ben oui. Justement, il y a des États américains qui ont passé une loi qui s'appelle Truth in Menu, donc la vérité sur le menu, qui empêche les restaurants de mentir sur des choses comme comment la viande a été élevée ou l'origine des choses. Et pour terminer, dans la liste des trucs psychologiques des menus de restaurants, on te rend nostalgique. Ah, ouais, le retour à l'enfance. Tellement. On a tous un menu qui nous ramène justement à l'époque de tes grands-parents, tes parents, ouais, peu importe vraiment ce qu'ils faisaient comme cuisine. Les restaurants connaissent ça et utilisent ça pour leur profit. Donc, faire allusion à des périodes du passé, ça peut ramener des souvenirs de famille, de tradition, de nationalisme même. Les clients vont aimer goûter quelque chose qui goûte comme dans l'ancien temps, même si c'est pas vraiment le cas, juste te faire dire que ça va goûter comme dans l'ancien temps, on dirait que c'est comme... c'est convaincant. C'est vrai, hein? T'sais, la soupe au poulet de grand-maman, peu importe. C'est ça. Miam! Ça me donne faim, tout ça. Ça me rappelle les restaurants, et c'est bizarre parce que la mode a l'air d'avoir changé. Dans le temps, chez AEW, t'avais des photos... de leur début, tu sais. Oui. Leur premier restaurant en noir et blanc. Il y en a encore quelques-uns qui en ont. Profitez-en parce que ça va changer. Ils refont le look de chaque IW, un peu comme ils ont refait chaque look de McDonald's. Donc, même ceux qui avaient encore du bleu et du rose pastel, il n'y en a plus ben de ça. Il y en a dans les petites régions qui sont comme les derniers sur la liste. Mais ça va venir partout. Ensuite, on continue avec une autre liste. On a du temps ce matin, donc parlons de nourriture contrefaite, des boissons, des nourritures, des aliments contrefaçonnés, comme j'aime bien dire, même si c'est pas un mot. Les experts, estiment qu'environ 10% de la nourriture qu'on achète et qui est développée dans le monde développé, oui, est en fait pas modifiée. 10%. Okay. Oui, c'est pas beaucoup. Pour faire plus de profit, les contrefaçonneurs vont ajouter des agents de remplissage, vont utiliser des ingrédients moins authentiques, vont mentir par rapport à l'origine des ingrédients dans leur nourriture. Et la Food Fraud Database retrace donc ces éléments de contrefaçon de nourriture, ce qui peut causer des allergies alimentaires, ce qui peut empoisonner les gens qui ont des trucs qui peuvent... des allergies alimentaires, voilà, des aliments toxiques. Donc, on commence par le fromage. Le fromage contrefait peut être mal étiqueté, peut contenir trop d'agents de remplissage, ou sinon être un fromage plus cheap qui mascarade en tant que fromage plus cher. En Russie, on dit que 78% du fromage qui est vendu en épicerie en 2015 était contrefait. Les contrefaçonneurs de fromage en Russie, en France et en Suisse utilisent de l'huile de palme processée. Donc un ingrédient qui ne devrait pas être dans du fromage authentique. Ils utilisent ça à la place du lait. Et en 2012, la Food and Drug Administration aux États-Unis a découvert une usine de fromage en Pennsylvanie qui mettait plus que le niveau permis de cellulose, donc de la pulpe de bois, dans son fromage parmesan. Neil Schumann, directeur général d'une compagnie de fromage de 4e génération dans New Jersey, qui a travaillé pour mettre des étiquettes de garantie et de confiance sur les produits authentiques du fromage, a dit à Bloomberg Business qu'avec le fromage en copeaux, le fromage râpé, moins de 40% du produit était vraiment du fromage. OK. Dégueulasse. Hein? Ouais. Ensuite, du miel. Ouais, du blanchissage de miel. Donc, on va mal étiqueter du miel qui vaut pas cher pour le faire avoir l'air donc d'un produit plus premium ou ajouter des ingrédients moins chers comme du sirop de maïs, bien sûr, ou du sucre de riz au miel. Pendant ce processus-là, les antibiotiques, les pesticides et du plomb peuvent contaminer ce miel contrefait. En 2008, une compagnie allemande, ALW Food Group, a eu des gros problèmes pour avoir illégalement importé du miel cheap de la Chine et l'avoir mal étiqueté comme étant du miel blanc de Corée pour éviter de payer des tarifs et faire plus de profit des taxes. Donc, si vous pensez que votre contenant de miel en forme d'ours n'est pas réel, on peut facilement le savoir avec quelques tests. Tartinez du miel sur une tranche de pain et attendez quelques minutes. Si le dessus de votre pain devient croustillant, c'est que ton miel est réel. Si le pain devient tout mou, ton miel est cheap ou fake. Fou pareil, hein? Ensuite, du jambon. Jamón ibérico. qu'on appelle aussi pata negra. Oh! Ouais. C'est du jambon espagnol ou portugais qui vient donc de cochon noir. Ça vient donc de cochon pur, libre et tout ça, qui mange, bon, des affaires bien, bien spécifiques. C'est considéré comme une des viandes le plus de qualité. Un des jambons les plus chers au monde. Étant donné que ce jambon-là est vendu sur l'os avec la jambe du cochon attachée, ben les contrefaçonneurs peinturent les ongles des cochons normaux en noir pour passer la viande comme si c'était du cochon ibérien. Comme on appelle mettre du rouge à lèvres sur un cochon, ça reste un cochon. Ben, c'est pas mal ce qu'on fait avec ce jambon-là. Ensuite, dans la liste toujours des produits contrefaits, on parle d'huile d'olive. Le New Yorker a parlé en 2007 d'une fraude d'huile d'olive de masse en Italie. Donc on parle de gens qui contrefont, contrefabriquent de l'huile d'olive, dont la mafia en fait. Ils étiquettent mal le pays d'origine de cette huile-là, mentent au sujet de son type, donc extra vierge, la meilleure qualité, ou encore vont diluer ça avec des huiles cheap, comme de l'huile de légumes, l'huile de soya ou de l'huile d'arachide. Certains fournisseurs d'huile d'olive italienne importent l'huile de d'autres pays, ensuite étiquettent ça comme étant de l'huile d'olive italienne et puis la réexportent. On dit qu'environ 75% de l'huile d'olive aux États-Unis est contrefaite et ça pourrait contenir des trucs chimiques ou des colorants artificiels pour masquer la couleur et l'odeur des huiles plus cheap contenues à l'intérieur de votre huile d'olive. Wow. Ensuite, celui-là me fait mal. Le chocolat. Oh non! Oui, les Aztèques utilisaient les grains de cacao comme argent, comme monnaie, échangeant ces grains-là pour à peu près n'importe quoi, même des prostituées. Les contrefaçonneurs faisaient de faux grains de cacao à partir de cendres, d'argile, de cire séchée, de noyaux d'avocat, et essayaient même de vider les grains de cacao et de les remplir de sang, de sable, hein, sand, ou de boîtes pour éviter la détection. Mais l'industrie du chocolat contrefaçonné continue toujours aujourd'hui. Ceux qui font de la contrefaçon de chocolat vont mélanger des ingrédients cheap, comme de l'huile de légumes, l'huile végétale, pardon, dans des barres de chocolat, utiliser sinon des grains de cacao de moins bonne qualité que ce qu'ils disent, ou mettre de fausses étiquettes sur le chocolat. La fraude a toujours lieu, donc, aujourd'hui. On va même mélanger des grains de cacao normaux avec des grains de cacao premium, et ça va devenir du chocolat premium. T'sais? Et ça empêche la détection aussi. Ben oui, clairement. Bon. Ensuite, le poisson. Hein, la plupart des gens peuvent pas faire la différence entre différentes variétés de poissons qui existent, donc c'est facile de contrefaire du poisson. Des fruits de mer, donc indésirables ou moins chers, avec un très haut niveau de mercure, peuvent être étiquetés comme un poisson plus sécuritaire et plus cher. Par exemple, de l'escolar peut être vendu, je connais absolument pas les mots en français, je m'en excuse, mais l'escolar peut être vendu comme du thon blanc. Du tilapia, souvent, on entend parler de ça, est vendu sous le nom d'un poisson qui s'appelle le Red Snapper. Hein? Et des poissons, en fait, qu'on a élevés dans une ferme, peut-être étiquetés comme des poissons qui ont été attrapés dans son environnement naturel, des poissons sauvages. Au début des années 2010, une étude de plus de 1000 échantillons de poissons aux États-Unis a montré que 33% de ces échantillons-là étaient mal étiquetés. C'est le tiers. Et? Ensuite, encore un autre qui fait mal, la vodka. Une grande cible des contrefaçonneurs, particulièrement en Europe et en Russie. Les gens qui forgent de la vodka, dont des membres du crime organisé, on a parlé de la mafia tantôt, vont distiller cet alcool-là, ce faux alcool-là, dans des usines, vont embouteiller ça et vont estampiller ça avec des étiquettes de compagnies bien connues comme Smirnoff ou Absolut. Certaines vodkas contrefaites peuvent contenir des ingrédients dangereux comme du javelisant, du méthanol, du truc pour enlever la peinture, là. Comment ça s'appelle ça? Bref. Et de l'antigel aussi. OK. En 2012, presque une douzaine de personnes. Donc quoi, 11? Sinon, il y aurait dit 10. Mais bon. Presque une dizaine. Je comprends pas, moi, ça. Parenthèse, mais je comprends pas presque une douzaine. Sinon, tu dis une dizaine. Ouais. Fait que c'est quoi? C'est 11? C'est ça. Presque. Bref, presque une douzaine de personnes, hein, je vais en revenir, sont morts en République tchèque après avoir bu de la liqueur, donc contaminée, contrefaite. Toujours dans les aliments, les nourritures, les boissons qui ont été, qui sont contrefaites un petit peu partout dans le monde, on parle du... Ah ben, attends un petit peu. Celui-là, un nom en français, c'est le premier qui me donne la misère aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est en français? On appelle ça du... Attention, la page est très lente à ouvrir. Du safran en français. Est-ce que tu connais ça, le safran? Oui. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. C'est une épice? Apparemment très cher. Apparemment très cher. Et tu savais-tu que le safran, la grande place où c'est produit, c'est ici? Ah, pour vrai? Non, au Québec. Ah, ouais. Ben. Bref, c'est cher et le safran est vulnérable à la fraude pour ceux qui essaient d'acheter quelque chose qui vaut plus cher, mais qui est moins cher. Donc, on va passer souvent des oignons séchés. Non, teint, orange ou rouge. On va prendre d'autres épices et on va le faire passer pour du safran. Pour être sûr de ne pas avoir du faux safran, il faut les acheter en copeaux et non pas en comment t'appelles ça, comme du... comment est-ce que tu pourrais appeler ça? Ground pepper, c'est moulu en français, c'est ça. Il faut le sentir aussi, mais pas se fier seulement sur son nez. Il y a des mélanges contrefaits de safran qui vont être mélangés avec du vrai safran et du faux safran pour que ça sente le safran. Donc, il n'y a pas vraiment de façon 100% efficace de savoir que votre safran est vrai. Et pour terminer, le vin. Plusieurs gens peuvent faire la différence entre un vin fin et un vin cheap. Ou en tout cas, au moins, ils vont dire qu'ils sont capables. Ça arrive. Ils ont moins de chances de remarquer une différence entre une bouteille de qualité à 30$ et une imitation. Le vin contrefait est très populaire. En 2012, un exemple, c'est un collectionneur de vin nommé Rudy Kerniavan qui a fait 50 millions de dollars en vendant du faux vin. Hein? Ouais. Il utilisait de la cire pour sceller les bouteilles et pour ajouter une étiquette fausse aux bouteilles. Il y avait une opération de contrefaçon de vin qui était dans sa maison à Los Angeles pendant presque une décennie. Avant de recevoir sa sentence, il va passer 10 ans en prison. L'industrie du vin a commencé à adopter une technologie anti-contrefaçon. Par exemple, des identifications par fréquence radio pour scanner les étiquettes de bouteilles. Donc, apparemment que c'est mieux que c'était dans le domaine. C'est intéressant, ça. Wow. Nourriture, aliments, boissons, contrefaits, la liste et les sources sur assemblagerequis.com. On prend une pause. Retour de la pause. À ton tour, Tania. Aujourd'hui, on se lance la balle pas mal. Eh bien, oui. On va faire le tour de tout ce qui s'est dit cette semaine. Ah, je te fais confiance, moi, pour me mettre au courant. Du moins, on va essayer. Au retour à Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui. C'est fou, 89. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Dans quelques instants, Tania is gonna entertain you. Mais avant ça, en musique, on écoute Enter Shikari. Voici The Sights. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight. The sights tonight, the sights. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight. The sights tonight. Mr. Magpie, you got distracted by the gleam of the diamonds as you flew by. But their gold glint does not impress when there's a billion stars in the sky. I sit gripping my pen like a bread knife as I write. I'm leaving this earth for the stars tonight. Now I'm running to board the flight. No more legal. Far and wide to find a planet to orbit. Far and wide. Now, and I'm a little bit petrified of what's to come. Yeah, my head's a bit stir-fried. It's over now, and I'm a little unqualified, but fire up the rockets. Obsession! Anzu Shikari et le Sights, assemblage requis. Maintenant, c'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. C'est pas ma dernière note du tout. Elle t'a froid, je pense. Je fais surtout saluer les gens qui font de la construction en dessous de nous et qui se doivent de passer directement à côté de nos studios. Et qui m'entendent chanter, c'est ça? Non, mais qui nous regardent de façon vraiment très. Ah, j'ai la vue bloquée, je vois pas ça. Très, très drôle, en fait. Ouais, c'est, en tout cas, c'est comique. Pas pire, quand même. On les surveille depuis hier. Exactement. Donc, d'après moi, dans pas long, on va commencer à entendre driller en dessous de nous. Si on se fait hier, ça commence vers les 9h15. Exactement. Comme ça. On va parler un petit peu d'actualité aujourd'hui parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses cette semaine. Mmh. On va commencer tout ça du côté québécois avec un Québécois qui a fait parler dans les derniers mois. En fait, c'est David Saint-Jacques qui est notre Québécois qui va s'envoler pour l'espace, en fait. Ah oui. Nul autre. Que ni l'espace. On n'essaie même pas le ciel, on va plus loin que ça. Donc, on parle de l'astronaute, en fait, David Saint-Jacques, qui va réaliser des expériences qui vont pouvoir faire progresser la science et la technologie lors de sa visite prochaine dans la Station spatiale internationale. Donc, on se rappelle, il est médecin originaire de Québec et on va amorcer sa mission de 6 mois en novembre 2018, donc l'année prochaine. Pour un astronaute, l'année prochaine, ça veut dire que c'est très, très près. Ah ouais. pour certains, novembre 2018, c'est encore loin, mais pour les astronautes, c'est très près parce qu'on a beaucoup de préparation à faire. Donc, la mission qui s'appelle Expédition 58-59 va être la première pour notre Canadien et ça va représenter le 17e vol spatial d'un astronaute canadien. On se rappelle, l'homme a 47 ans aussi, on a décidé de faire une pause d'entraînement un petit peu plus tôt cette semaine pour justement pouvoir passer à l'Agence spatiale canadienne. On a réussi à discuter de nos expériences et de nos instruments qu'on va pouvoir utilisé lors de la visite sur le laboratoire spatial. Et l'astronaute canadien a affirmé que le travail scientifique qu'on s'en va effectuer justement dans l'espace va être très bénéfique pour la Terre. Donc, on sait jamais vraiment trop ce qu'ils font les astronautes. C'est comme quelque chose qui reste un petit peu mystérieux. Mais en conférence de presse, on a déclaré que c'était important pour l'Agence spatiale canadienne de faire des études justement qui vont améliorer les vols dans l'espace, mais aussi qui vont avoir un impact sur les citoyens de la Terre. Donc, c'est dans le mandat de l'Agence spatiale canadienne de s'assurer que l'argent qu'on va dépenser dans l'espace, ça sert, oui, bien sûr, à faire avancer les sciences qui sont spatiales, mais aussi que ce soit bénéfique à tous les Canadiens, à toutes les Canadiennes, peut-être fiers d'avoir réussi ce genre d'étape-là. Et on est probablement peut-être pas le pays qui a le plus grand succès mondialement, mais côté spatial, on a un énorme succès. Donc, on est très, très haut de ce côté-là. Donc, en orbite, notre Canadien va porter un vêtement biotechnologique et ça va comprendre un chandail intelligent qui va surveiller les signes vitaux des astronautes. Et le scientifique Jean-François Roy a décidé d'expliquer lors de cette conférence-là que le biomonitaire qui va être porté en tout temps Même lorsque les astronautes vont dormir, donc ça va pouvoir garder un œil sur les astronautes pendant qu'ils vont être en orbite. Ben c'est ça, tu sais, chose qu'on n'était pas nécessairement capable de faire il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc on va pouvoir justement suivre le progrès de nos astronautes, savoir qu'est-ce qui se passe aussi un petit peu. Et David Saint-Jacques va tester également un nouvel instrument qui va être appelé le bioanalyseur. Ça va permettre d'effectuer des analyses sanguine en temps quasi réel, et là on s'entend, on est à des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre, donc la transmission de cette information-là va être quasi instantanée. C'est ça qui est surtout très très le fun à voir là-dedans, c'est l'avancée technologique qu'on va pouvoir y faire. Et ces testeurs sanguins vont fonctionner avec une piqûre sur le doigt, un petit peu comme les gens qui font du diabète en fait. Une goutte de sang, c'est tout ce que ça prend, et on n'a pas besoin de connaissances spéciales non plus pour prélever le sang de quelqu'un, donc c'est pourquoi les astronautes vont pouvoir le faire eux-mêmes. Et l'appareil pourrait aussi être utile sur Terre. Donc, c'est un test qu'on va faire immédiatement dans l'espace, mais que plus tard, on va pouvoir utiliser aussi immédiatement dans le bureau d'un médecin, sans que l'échantillon doive passer au laboratoire pour être analysé. Donc, on estime en fait que l'avenir va pouvoir être bénéficié par tout ce qu'on va faire dans l'espace dans les prochains mois. Ça va être très intéressant à garder un œil là-dessus. C'est le fun pour David Saint-Pierre qui s'en va dans l'espace, alors que son frère, Coquille Saint-Jacques, lui reste dans les fruits de mer. Oh mon gratiné, Dieu! Hey, je pense que c'est ta pire, celle-là. Merci beaucoup. Ça fait J'ai plaisir. Pourtant tellement réfléchi. Si on parle scientifique, oui, encore science, bien on va y aller un petit peu plus du côté des environnementalistes de ce côté-là, parce qu'on a réalisé que le caribou, c'est considéré comme une espèce qui est vulnérable depuis 2005. Et aussi, on le sait au Canada, surtout au Québec, le caribou, c'est un petit peu comme notre emblème, ben oui, disons-le. Donc, les environnementalistes ont décidé de revendiquer des mesures qui sont un petit peu plus rough, là, disons ça comme ça, pour justement préserver l'habitat des caribous. Donc, ce sont des groupes environnementalistes qui ont décidé de saluer le premier pas du gouvernement du Québec pour mieux protéger l'habitat du caribou forestier. Mais ils rappellent aussi qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à long terme pour justement préserver cette espèce qui est quand même assez vulnérable. Et le gouvernement du Québec a annoncé un petit peu plus tôt cette semaine la création d'un aire qui va être vaste, mais qui va être protégée pour le caribou dans le nord de la province. Donc, ça totalise environ 10 000 km², ce qui représente 21 fois l'île de Montréal. Tout ça pour nos petits caribous. Et les centaines de caribous qui habitent cette région-là vont pouvoir être épargnés, bien évidemment, des travaux qui vont être miniers et des travaux qui vont être forestiers. Donc, le ministère souligne d'ailleurs dans un communiqué que plusieurs espèces autres que les caribous vont aussi être protégées à l'intérieur de cet espace-là. Mais c'est justement pour arriver à les garder, en fait, sur notre beau territoire. Et le caribou est considéré, comme je le disais tout à l'heure, comme une espèce qui est des plus vulnérables là, depuis 2005. Et les environnementalistes ont décidé de justement y aller avec des mesures qui vont être un petit peu plus strictes, qui vont être un petit peu plus demandantes. Mais clairement, ça a été entendu du côté du gouvernement du Québec. Et l'annonce de mardi a été attendue depuis très longtemps, en fait, des environnementalistes. Pour nous, ça semble quand même assez spontané parce que, bon, c'est pas ce qui fait la une des journaux à tous les jours. Mais si on regarde, par exemple, la campagne Greenpeace Canada, bien, ça fait quand même déjà longtemps là, qu'on attend ce genre de répercussions-là du côté du gouvernement du Québec. Donc, on souhaite rétablir à long terme les caribous dans leur environnement. Et il faut vraiment écouter la science de ce côté-là parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui va pouvoir nous dicter quoi faire. Ce sont vraiment les environnementalistes qui se connaissent le mieux parce que, bon, évidemment, on va essayer d'y aller avec le changement climatique, on va essayer d'y aller aussi avec le changement humain sur le territoire. Donc, si on combine tout ça, ça arrive à une situation où, justement, on veut cibler un endroit où on va pouvoir garder un œil sur ces espèces-là. Et selon une étude du gouvernement fédéral qui date de 2015, on ciblait 16 000 km² à protéger pour justement assurer l'espèce en tant que telle. On est aux alentours de 10 000. Donc, on voit qu'il n'y a pas une grosse marge. Là. On a sensiblement écouté nos environnementalistes du côté du gouvernement. On se dit que c'est une bonne chose. Et selon un rapport qui a été déposé récemment, il y a des progrès aussi qui vont être accomplis et qui ont déjà été accomplis à l'échelle du pays pour pouvoir justement évidemment protéger ce caribou, mais l'état de l'habitat normal, général du caribou, ça s'est dégradé dans la majorité des aires de répétition depuis 2012. Donc, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, rétablir la situation pour que cette espèce-là puisse rester avec nous du côté du Québec. Ah, c'est caribou. Une autre espèce protégée au Québec, hein, c'est Julie Bou, l'animatrice radio. Je pense qu'elle a signé un contrat à vie avec Belvedere. Oui, oui, exactement. Peut-être est-ce que vous ne seriez pas au courant, mais écoute, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plusieurs choses qui sont dites par les scientifiques, mais il y a une tendance mode qui est lancée aux brillants. Brillants? Les fameux glitters. Le glitter, ben oui. Le glitters, OK? Surtout du côté maquillage. OK. Ce qu'on apprend récemment, c'est que les brillants devraient être bannis, selon les scientifiques. Ben là, où est le fun là-dedans? Ben, c'est parce que ça a beau être amusant, ça a beau embellir tout ce que ça couvre, mais désolé de vous l'apprendre, ça représente aussi un danger sérieux pour l'environnement, apparemment, du côté des petits brillants, du côté des petits glitters. C'est selon une entrevue qui a été faite avec The Independent, c'est un anthropologue environnemental, Dr. Tricia Furley de l'Université Massey, qui a souligné que tous les brillants devraient être bannis parce que c'est du microplastique. Ah, ben oui. Donc, déjà en partant, de se mettre ça dans le visage. Pas fort, fort. C'est peut-être pas la meilleure idée, mesdames. Les microplastiques, c'est des minuscules fragments de moins de 5 mm de longueur. Et ça inquiète déjà depuis un moment les environnementalistes parce que, bon, leur taille peut attirer les animaux. Ça les rend nocifs aussi pour eux, rappelons-le. Et ça peut être aussi fatal pour certaines espèces d'animaux. Donc, il y a une étude qui a été mise sur pied par le professeur Richard Thompson qui a justement rapporté qu'un tiers des poissons qui étaient pêchés au Royaume-Uni contiennent du plastique. Non pas du plastique comme une bouteille de plastique, par exemple. C'est sûr qu'il y a, un certain pourcentage que c'est ça, mais la plus grande partie, c'est les fameux petits glitters. Aïe, aïe. Donc, ça provient en partie de produits domestiques qui se retrouvent dans l'eau. Et on se pose la question, est-ce que justement la faute serait à l'industrie de la beauté de ce côté-là? Parce que les gens pensent aux brillants, on pense aux party, on pense aux glitters inclus dans les cosmétiques. Écoute, je pense que c'est inévitable. Ça fait penser aux petites billes dans les produits désinfectants. Exactement, pas oui. Crème pour le visage, etc. Ça va finir par partir, ça aussi. Tout ce tout qui est des fait. Petits bouts de plastique. C'est probablement. Donc, si on regarde ça comme ça, l'industrie des cosmétiques, tu parles des microbilles là, qu'on fait couler un petit peu dans certains produits, bien, ça pousse. Ça pousse. Ouais. C'est partout un petit peu. Donc, ça crée certaines compagnies à les remplacer dans des produits qui vont être un petit peu plus biologiques et qui vont être un petit peu plus naturels. Et si on regarde ce que disait Dr. Farley, on recommande à toutes les compagnies de cesser l'utilisation de brillants cosmétiques et de cesser l'utilisation de microbilles le plus rapidement possible parce que, bon, on suggère en fait un changement du côté des autorités pour que ça soit appliqué aussi parce qu'il n'y a pas nécessairement de contraintes face aux cosmétiques de ce côté-là. On le sait que, bon, il y a certaines compagnies qui tiennent à ne pas faire des tests sur les animaux. Merveilleux si tu ne fais pas de test sur les animaux, mais si tu vas y tuer après avec tes glitters, c'est un petit peu moins bon, ouais. Tu sais. Donc, on se dit que les clients doivent être responsables aussi de ce qu'ils se mettent dans le visage. Là, c'est sûr que ça vise un petit peu plus mesdames, mais on fait pas de discrimination. Et Tania, commence pas. Non, mais tu sais, on fait pas de discrimination. C'est sûr que la jante féminine est le plus haut pourcentage majoritaire qui achète les produits de beauté. Donc, de ce côté-là, on tient à amener le client à être responsable de ce qui se met dans le visage, de ce qui jette aussi, tout simplement. C'est presque impossible, en fait, de les éviter présentement et les fabricants doivent être responsables aussi. Donc, on va essayer d'utiliser des alternatives qui vont être beaucoup plus sécuritaires, beaucoup, mais qui vont être non toxiques, en fait, et qui vont être durables de ce côté-là. Et le Canada, lui, a décidé de faire sa part dans son intention de les bannir en 2018. C'est ça, hein? Ça s'en vient. C'est dommage, parce que je suis coupable de ça moi-même. J'ai des microbilles dans ma crème pour le visage. Mais oui. Mais je l'aime tellement. Mais ça dépend, parce que tes microbilles, vérifie sur ta bouteille, mais peut-être qu'ils sont naturels, peut-être qu'ils sont non toxiques. De ce côté-là, il va falloir faire une petite recherche sur ce qu'on achète, mais je pense que c'est la conscientisation des choses qui va amener à un changement. Et les Canadiens, bien, on est un fort pourcentage des gens qui achètent des affaires brillantes, ça a l'air. Oui. Donc, les brillants écologiques, ça pourrait devenir une alternative qui est viable. Et la compagnie Lush celle qui fait des bombes de bain, des produits cosmétiques, mais naturels, tout fait à la main. On a déjà remplacé les brillants dans ces produits avec justement des alternatives qui vont être synthétiques et biodégradables. Donc, on va commencer à voir ce grand changement-là du côté des cosmétiques. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Si on y va vraiment d'un autre ordre d'idée, parce qu'on y a été du côté scientifique un petit peu plus, mais si on y va avec du côté culturel, cette fois-ci, eh bien, un rappeur québécois qu'on connaît assez bien, je te donne même pas d'indice, nomme-moi en un. Pat Cassette. Oh boy, OK, non. Je pensais... Corias. Oui, voilà. Okay. Donc, merci. Ben, ça aurait pu. Exactement. Il y a Corias, en fait, et porte-parole des cégeps, porte-parole de Cégep en spectacle 2017, et on a décidé de résonner sur les murs de la Maison symphonique le 30 novembre. On va partager la scène avec les musiciens de l'OSM. Aujourd'hui, donc, oui, exactement. Ce soir, on va essayer de souligner les 50 ans des cégeps au Québec. Et le rappeur va s'attaquer ensuite à la création d'un nouvel album. Donc, on va essayer de sortir ça à l'automne 2018. Sachez-le, restez à l'affût. En même temps que David Saint-Jacques va aller dans l'espace. Exactement. Et ça va surprendre peut-être certains fans, en fait, de l'artiste, mais on veut aussi publier un livre. Donc, ça devrait être intéressant. Je ne sais pas encore ce que ça va relater. On n'a pas trop donné d'informations à ce niveau-là, mais ce soir, Corias va partager la scène avec plusieurs anciens lauréats de Cégep en spectacle, entre autres les auteurs, compositeurs, interprètes Vincent Vallière, Catherine Major, Philippe Braque, Yann Perrault. Si on regarde aussi l'imitatrice Claudine Mercier, pianiste Charles-Richard Hamelin, danseuse aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts du côté de Cégep en spectacle. On le sait, c'est souvent ce genre de concours-là qui met certains artistes sur la map aussi. Donc, le rappeur va interpréter une version qui est réarrangée de sa chanson Supernova avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Ça va rester quand même assez mélodique. Ça va rester fidèle à ce qu'il fait. Et il faut dire aussi que il a déjà flirté un petit peu avec les réarrangements symphoniques dans certains spectacles où il incluait des sections de cordes et de cuivres. Il aime beaucoup ce son-là. Donc, ça s'est fait de façon... très similaire des deux côtés. Ça le fait un bon mélange. Il faut tout simplement réussir à aller voir ce soir ce spectacle-là. Sinon, je suis persuadée qu'on va pouvoir voir certains extraits sur Internet dès demain matin. Mais fais une hésiter. Il va participer à la soirée soulignant les 5 décennies d'existence des cégeps québécois, même s'il n'a jamais étudié au cégep. Donc, il a lâché l'école en 5e secondaire. Il a eu une vingtaine beaucoup plus difficile. Il a fait des job-in ici, par là. Mais il a un grand regret, en fait, de ne pas avoir poursuivi ses études supérieures. Il dit souvent aux jeunes de ne pas arrêter l'école. Je pense que dans la plupart de ses morceaux, Corias se fait un fervent soldat de tout ce qui est éducation au Québec. Donc, c'est une réalité qui n'a pas empêché les organisateurs de Cégep en spectacle de justement lui confier le rôle de porte-parole. On n'est pas obligé d'être un ancien participant ou être un ancien gagnant du concours pour être porte-parole. Et je crois, personnellement, si vous me le permettez, que Corias peut être un excellent porte-parole de ce côté-là, du côté du Cégep, parce que, bon, c'est différent de l'université et ça rejoint pas mal plus une tranche qui est plus jeune. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Il va falloir regarder sur les réseaux sociaux ce soir ce qui va se passer avec ce spectacle-là, parce que ça va être diffusé dans plusieurs cégeps de la province, sachez-le, grâce au travail de captation des étudiants en production télévisuelle du programme d'art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez vérifier sur la page Facebook du Cégep de Trois-Rivières si on n'en fait pas la diffusion ce soir et si c'est quelque chose, comme je le disais, qui vous intéresse, bien peut-être aurez-vous la chance de voir ça du côté du Cégep de Trois-Rivières hier ce soir. Super. Quelque chose d'autre qui touche les jeunes rapidement, Mathieu, hier ou du moins cette semaine, il y a comme une grosse bombe qui est atterrie dans le monde des jeunes. En fait, c'est le couvre-feu chez les jeunes conducteurs qui a été annoncé. Donc, c'est fini le temps où ces mamans qui décidaient l'heure du dodo, c'est maintenant le gouvernement. Donc, pas jusque-là. Non, peut-être pas jusque-là, mais les jeunes se font beaucoup taper sur les doigts et malheureusement, c'est souvent avec raison. Il faut se le dire. Il y a eu une baisse des accidents de la route de 12,7% chez les 15 à 24 ans dans la dernière année, il faut le dire. Mais on reste quand même les pires conducteurs au Québec. Quoique, En 2016, les personnes âgées nous ont clenché, mais les jeunes restent quand même une source même des accidents sur les routes. Donc, c'est comme ça qu'on vous lance le nouveau projet de loi de M. Philippe Couillard. Projet de loi, donc pas encore une loi. Non, pas encore une loi, mais attention, il va y avoir un couvre-feu. Peu importe vous avez quel âge, si vous avez un probatoire ou que vous êtes un apprenti depuis moins d'un an, OK, c'est vraiment ces conditions-là, là. Peu importe votre âge, mais si vous avez un probatoire ou que vous aviez vous êtes apprenti conducteur depuis moins d'un an, vous n'aurez pas le droit d'utiliser votre voiture entre minuit et 5 heures. OK. Pourquoi entre minuit et 5 heures? Bien, c'est l'heure où il y aurait le plus grand nombre d'accidents sur les routes au Québec. Une autre des idées aussi qui a été présentée, c'est... basic, là. C'est très, très basic, mais il faut que vous compreniez que de texter au volant, c'est non. J'espère, hein? C'est out, c'est pas cool. Donc, on va voir de plus en plus des publicités qui vont axer sur ça, qui vont axer aussi sur les jeunes, parce qu'il va y avoir de nouvelles sanctions. Toujours dans ce nouveau projet de loi-là. Donc, présentement, pour la première fois, si on vous prend avec un téléphone cellulaire au volant en conduisant, c'est 100$ d'amende. Si vous n'avez pas compris, bien, on double montant. C'est pas très, très compliqué à comprendre. Mais on s'est dit que c'était pas assez suffisant. On va réarranger cette loi-là. C'est le projet présentement. Et désormais, si le projet est adapté, la première fois que vous allez être pris au volant avec votre téléphone, ça va être 300$. Si vous recommencez, on double encore. Donc, wow. C'est 600$. Si vous regardez ça comme ça, là, c'est comme un vol aller-retour ouais. Dans le sud. OK? Juste ça comme ça. Faut des grosses conséquences pour que les gens comprennent. Bien, je pense que c'est ça aussi. Et si vous êtes une grosse gang d'amis, on suggère aussi de limiter le nombre de passagers de moins de 19 ans à 3 dans la voiture chez les détenteurs d'un permis probatoire. Donc, si vous avez plusieurs amis, si vous qui avez la voiture, vous ne pouvez pas être plus que 3 en bas de 19 ans dans la voiture avec ce nouveau projet de loi-là. On ne sait pas encore si ça va être adopté, mais si vous me posez la question, je ne crois pas que pour ce point-là dans le projet de loi, ça soit si dramatique que ça. Parce que, bon, c'est sûr que ça te défocus d'être plusieurs dans une voiture, surtout si vous êtes avec des amis. Et en bas de 19 ans, c'est un âge où on peut être justement défocusé assez rapidement. Ouais. Donc, selon moi, ce point-là est le point peut-être qui va faire le moins jaser. Mmh. Ça va peut-être être le point qui va être pas le plus apprécié, mais le plus accepté des jeunes. Moins controversé que le couvre-feu. Exactement. Le couvre-feu, en fait, la problématique qui ressort de ce côté-là, si on regarde un petit peu les questionnements sur les réseaux sociaux à la suite de cette annonce-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui travaillent de nuit? Par exemple, le jeune garçon qui a un probatoire et qui termine de travailler chez McDo à 3 heures la nuit, qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? C'est sûr que il faut garder en tête que c'est ceux qui ont un probatoire ou qui sont apprentis depuis moins d'un an. Ouais. Il y a peut-être une dérogation à ça quand même. Ben, il va falloir suivre. Exactement. Il va falloir suivre de très près ce projet de loi-là. Et si on regarde du côté alcool au volant, présentement, c'est seulement après 3 infractions qu'on vous installe un éthylomètre dans votre voiture. Ce qu'on appelle la fameuse balloune au Québec. Bien, le projet de loi suggère justement d'en installer une la première fois que vous conduisez en état d'ébriété. Ouais, ouais. Et vous allez devoir souffler chaque jour pour le reste de vos jours afin de pouvoir démarrer votre véhicule. Donc, ça ne sera plus une période de temps où ça va être fait, par exemple, 1 an ou 4 ans, tout dépendant de l'infraction qui a été commise. Ça va être pour le restant de vos jours, dès la première fois où on va vous prendre avec en état d'ébriété. En fait, il faut savoir que ce n'est pas après avoir bu un verre que vous êtes en état d'ébriété. On se rappelle, la limite, c'est 0,8. Mm-hmm. 0,08? Ça dépend de comment tu le calcules, ouais, si c'est en dizaines ou en centaines. Ouais, exactement. En fait, gardez-vous-en un verre si vous conduisez, that's it. Ouais. Parce que sinon, ça pourrait vous coûter très, très cher. Un éthylomètre, faire installer ça, c'est à vos frais. C'est pas le gouvernement qui vous le fait installer. C'est vous qui payez le renouvellement. Ben oui. C'est vous qui payez tout ce qui rentre par rapport c'est à ça. C'est vous qui êtes coupable. C'est vous qui êtes coupable. Donc, de devoir souffler dans un éthylomètre pour le restant de ses jours, c'est pas très, très le fun. Mais dès la première, j'avoue que ça laisse aucune place à aucune erreur de jugement. C'est peut-être un peu rapide. La deuxième, peut-être plus. Exactement. Première. C'est ça. Ça reste un projet de loi. C'est sûr que ça va être discuté. C'est sûr qu'on va essayer d'écouter la population. Et non, mais je pense que la population va avoir tort si tu l'écoutes. Fait que ça... Ouais, c'est ça, ça, exactement. Et en terminant aussi, vous savez que la date limite pour poser nos pneus d'hiver? Oui, changement. C'est le 15 décembre. Potentiel. Eh bien, le changement potentiel, on aimerait devancer la date limite pour la pose des pneus au 15 novembre. Ça aurait été bon un compromis, je trouve, 1er décembre. Ben, écoute, c'est quand même des raisons de gros bon sens. Oui. Si on regarde le 15 novembre, il n'y avait pas encore de neige, mais le 20, ça c'est glissait vrai. Partout. T'as raison là-dessus, c'est vrai, je suis d'accord. T'sais, donc, de ce côté-là, est-ce que ça va vraiment être problématique de devoir poser ses pneus d'hiver un mois d'avance? Je pense qu'un mois d'usure sur des pneus, ça change pas une vie. C'est pas vraiment un mois, comme incroyable. Tu l'as dit. Comme tu l'as dit, on était dans le coin du 20 quelque, donc c'est même pas, c'est peut-être une semaine ou deux là, d'entre-deux où t'aurais tes pneus d'hiver. Exactement. C'est pas si pire. Donc, d'après moi, de ce côté-là, ça devrait pas faire crier fort, mais... Ben, sur Facebook, on voit que ça commence, mais c'est tout le temps la même chose sur Facebook. C'est ça. Tout le temps la même chose. Fiez-vous pas là-dessus, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur les médias, dans les nouvelles ces derniers temps. Mais c'est ce qui fait le tour de l'actualité ce matin. Bien garni, comme toujours, après avoir pris congé d'une semaine de nouvelles. T'en avais pas mal à dire, c'est le temps. On écoute, tiens, pour se quitter, tu parles de Corias tantôt. Donc, écoutons sa pièce. Supernova, Corias, ça semble être... Pour rattraper les minutes, il faut courir vite. Soir en diable, les journées tristes. La haine, la routine, puis l'amour du risque. Dans la musique loud, puis les lumières fortes. Sur mes épaules, j'ai le poids que tout l'univers porte. J'essaie de reach des étoiles, aller coucher les comètes. J'essaie d'avoir la force pour soulever les planètes. On bâtit ce qu'on a de brique en brique. J'ai vu beaucoup de gens de ville en ville pour me rendre compte qu'on est tous identiques. On veut le bonheur à la puissance 10. Après l'hiver, viendra le printemps. Les petits échecs, les gloires immenses. L'éternité, ça dure un instant parce qu'on est seulement. Corias avec Supernova. Au retour, le vrai le faux à Assemblage Requis. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. D'assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante, de Tania Baudin et de ses bruits de sous-sol. Exactement. Pour le reste de l'émission, sûrement, j'imagine. Hier, ça a commencé pas mal plus tard que ça. Oui, ça a commencé vraiment en dernière heure hier. Ouais. Mais là, 8h05 tantôt environ, les bruits ont commencé en dessous de nous. Donc, vous allez sûrement entendre la drille percer derrière. Exactement. On doit le dire, il y a des réparations, il y a des travaux qui se font. En dessous de nos studios, alors on peut pas faire grand-chose contre ça. Personne va mourir, au moins. Mais non. Il y a juste les fesses à Mathieu qui vont bouger. C'est ça. J'aime ça, fait que exactement. C'est toujours à Assemblage Requis, oui, tu l'as dit. C'est le moment de jouer notre célèbre quiz qu'on appelle Le Vrai, le Faux. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio. Et sur Internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux, se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, le quiz où Tania doit déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux parmi les nouvelles que j'avance. Sans regarder. Sans regarder, évidemment. Ce serait de la triche si tu regardais et tu dois prendre ton pointage en note toi-même parce que je suis pas très bon pour ça. OK. OK. Donc, commençons par la première nouvelle dont tu as peut-être entendu parler, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans la vie, même quand on entend parler de ça, même si le président américain le retweet. Ça peut être complètement faux. C'est vrai. Probablement, en fait. Ouais, c'est ça. Si Trump leur tweet, là. C'est ça. Est-ce que t'as entendu parler de Tony Kelly? La femme de 24 ans qui a pris des selfies et ça lui a coûté la vie? Non. Non. Ben, elle aimait voyager et raconter sa vie sur Instagram, dit-on. OK. La jeune femme a fait une chute mortelle d'une fenêtre à Londres en prenant une photo. Triste fin pour cette jeune néo-zélandaise. Est-ce que c'est une vraie nouvelle? Considérant les nouvelles ce matin entre Londres et Trump, je vais dire que c'est faux. C'est vrai? Ah! Oui! Ben voyons donc! C'est vrai! Ah, misère! Faut pas en rire. Sur son compte Instagram, des photos d'elle principalement montrant à quel point elle aimait découvrir de nouveaux endroits, sortir avec ses amis et sa famille et immortaliser tout ça. La semaine dernière, la famille s'est rendue en urgence à Londres pour amener le corps de la fille après avoir été après la terrible nouvelle de sa mort. Oui, selon le médecin légiste, la jeune femme serait tombée d'une fenêtre à l'étage alors qu'elle prenait une photo d'elle-même. Elle est morte à Londres alors qu'elle était prise en charge pour de sérieuses blessures au cerveau. Un porte-parole du Inner West London Coroner a déclaré qu'une enquête avait été ouverte et close tout de suite. Elle est tombée de la fenêtre. C'est simple comme ça. Les amis et la famille ont organisé une cagnotte sur Give a Little pour faire rapatrier le corps en Nouvelle-Zélande. Donc, on ramasse de l'argent. Comment ils savent qu'elle était en train de prendre une photo d'elle? Il ne devait pas avoir une photo dans son cellulaire d'elle en train de tomber. Probablement qu'il y avait une photo d'elle sur son cellulaire devant la fenêtre. OK. C'est quand même assez simple. Rest in peace. Oui, rest in peace, mais Colin, sérieusement. C'est pas... Hein? Ça représente... Aucun jugement, Mathieu, on ne peut pas juger. Non, voyons donc. Okay. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le président de la Russie... Okay. Ben, des fois, il est premier ministre, des fois, il est président. Ouais, en ce moment, je sais pas lequel. Pas, mais bon. On parle-tu de Vladimir Poutine? Poutine, exactement. Okay. Est-ce qu'on a pris Vladimir Poutine en photo en train de voler le suçon d'un enfant? Non, ça se serait passé à une cérémonie de Noël. Donc, je peux te montrer la photo en cachant le résultat de la nouvelle ici. On voit donc le président, premier ministre Poutine... en train d'avoir l'air bien smart en volant le suçon d'un jeune enfant. OK, je veux dire que c'est vrai et c'est faux. En fait, la photo est vraie, mais le titre est faux. Ben, tu sais quoi, c'est une bonne stratégie d'y aller avec une demi pour avoir un demi-point, parce que des fois, ça donne des demi-points. Mais ça, c'est rien qui dit qu'il vole. Non, c'est vrai, mais c'est complètement faux. Tu t'en es bien... Est-ce que j'ai un demi-point? Pas en tout. T'as dit que c'est une vraie photo, mais pas bien expliquée ou quelque chose comme ça. Ouais, la photo est pas vraie. Tes deux facteurs sont complètement faux. Ah, misère. Ouais, donc les images montrant ça ont été complètement fabriquées par Photoshop. Mais j'ai dit que l'article était fausse. T'as dit que la photo était vraie, mais que c'était pas la vraie raison, que c'était pas vraiment... Ouais, que non, pour pas vrai, je peux pas donner de point là-dessus. Laisse faire. Ça a été manipulé, donc... J'aime pas ça, perdre. Je sais, c'est pour ça qu'on joue à ça. Donc, ça a été manipulé numériquement à partir d'une galerie de photos prise en janvier 2013 pendant un service de Noël à Sochi par un photographe de Getty Images. Donc, la photo en tant que telle, où on voit Vladimir avec une main, hein, c'est sûr que c'est vrai. Hein, je te donnerai pas de point pour ça. Hein. Okay. Il y avait vraiment la main levée, mais il y avait pas de soupçon. Non, c'est ça, il y avait un vrai garçon quand même, tout ça. Mais quand même, ça n'a absolument rien parce à voir. C'est quand même assez drôle parce que le petit garçon, il le regarde. Là. Oui, ben absolument. Il le regarde pour d'autres raisons, juste parce c'est que ça. C'est Poutine. C'est Poutine. C'est Poutine. Comment veux-tu ne pas regarder une Poutine? Ah, vu comme ça. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'on voit sur une photographie un enfant forcé à tirer son chien? Je vais te montrer la photo, elle me donne littéralement des frissons right now. Donc, je te montre la photo du garçon qui est forcé à tuer son chien. Il a été forcé par qui? C'était... attends un petit peu, est-ce que c'est précisé? Ça se passe où? Ça se passe... attends un peu, les détails sont où? Les détails sont pas là, je m'excuse. Je cherche les détails. Ce serait... Ah, je l'ai pas rapidement comme ça. OK. Continue de chercher pendant que je lis un petit peu plus. Je veux dire que... Oh. Hey, c'est difficile... Parce que la photo a l'air d'un photoshoot organisé, tu sais. Ça a l'air vraiment vrai, je trouve. Je veux dire que c'est faux. C'est faux, en effet. Yes! Bravo, un point. Alors, ça s'est passé en novembre 2017 sur les réseaux sociaux. On a rencontré une image qui montrait, en fait, la page de AR-15 Gun Owners of America, donc les propriétaires de fusils AR-15 des États-Unis. Ça montrait deux photos d'un petit enfant avec un fusil dans la main, indiquant que l'enfant venait de tuer le chien de la famille, étant donné qu'il avait reçu des plaintes de jappement. L'image était de la satire et de l'humour noir. L'humour très, très noir. Ouais, vraiment. Les photographies n'ont aucune connexion avec l'histoire qui accompagne ça. En fait, ça vient d'un service de photographie Shutterstock, donc tu avais tout à fait raison. Si j'étais vraiment généreux, je te donnerais 2 points, tellement que tu as dit que c'était une photo d'un photoshoot. Je te donne 0.5 points de plus. Hein? Non, yes! Ça dit un facteur que tu ne peux pas savoir. Merci. C'est un photoshoot. Ça vient en fait... C'est merveilleux. J'ai 1.5. Ouais, 1.5. Je suis généreux. Hein? Merci, merci. C'est le fils de 3 ans d'un photographe russe qui joue avec un fusil jouet, en fait. C'est même pas un vrai fusil. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un bulldog a mordu le pénis d'un pédophile alors qu'il essayait, pas le chien, le pédophile, de violer un enfant qui dormait? Je te montre la... Tu vas-tu vraiment me montrer la photo de ça? Non, je vais te montrer cette photo-là, ça va être plus facile. C'est la photo d'un gars en train de crier et le bulldog à côté qui a l'air vraiment méchant. Évidemment, c'est un photomontage, mais quand même, ça pourrait représenter l'homme sur son lit d'hôpital, quand même. Ça s'est passé en novembre 2017. Ouais, les endroits sont pas toujours tout à fait clairs. Là. Ça s'est passé en Arkansas, à Saline County. Je veux dire, c'est faux. C'est faux, en effet. Yes. Donc, le chien de la famille aurait sauvé un jeune enfant d'abus sexuels de la part de quelqu'un de sa famille. Ça vient de Neon Natal, un site de fausses nouvelles avec tout plein de trafic. Bien sûr, les gens vont là pour en pensant que ce sont des vraies nouvelles, mais ce sont que des articles de clickbait. La photographie n'a rien à voir avec l'attaque canine. En fait, c'est une photo prise d'une vidéo montrant la réaction d'un homme lorsqu'il reçoit l'anesthésie par kétamine après s'être fracturé, la cheville dans un accident de skateboard. Donc, ça n'a rien à voir avec le chien. Ensuite, on parle de Black Friday. Mm-hmm. Hein? Est-ce que c'est vrai que le Black Friday aurait pour origine des promos sur la vente d'esclaves afin de se débarrasser des invendus? Ça a circulé encore une fois en novembre 2017. Peut-être en as-tu entendu parler. Black Friday, l'esclavage. Hey, mon Dieu! Une histoire qui se propage qui prétend que les marchands d'esclaves auraient pris l'habitude de pratiquer des soldes monstres le lendemain de Thanksgiving pour ne pas avoir de stock à entretenir et pouvoir repartir en Afrique en chercher de nouveaux esclaves. J'ai déjà fait l'histoire du Black Friday en plus dans cette émission-ci. Alors, je travaille vraiment fort pour me rappeler. Je veux dire, c'est faux. C'est faux, c'est une légende urbaine. Yes. Absolument. Complètement faux. Il y a plein d'autres détails disponibles dans l'article, mais pas besoin de vous les dire parce qu'ils sont faux. Hein? Quoi qu'on pense de cette pratique commerciale, elle n'a strictement aucun rapport avec l'esclavage et c'est bel et bien en lien avec le lendemain de Thanksgiving, jour d'ouverture, de la période des achats de Noël aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? C'est encore une photo. Les gens peuvent aller les voir sur assemblagerequis.com, mais sinon, peut-être les avez-vous vus passer ou au moins la nouvelle en tant que telle devrait vous intéresser. Est-ce que c'est vrai qu'on voit des images des chutes Niagara gelées complètement? C'est une photo en sépia, un petit peu noir et blanc jaunâtre. Oui, une très très vieille photo. Donc, plusieurs images qui montreraient ces chutes d'eau en état presque congelé. Je pense que les chutes Niagara ont déjà gelé, mais est-ce que cette photo-là est vraie? Ma face ne devrait pas t'influencer. Ce serait en 1911 et en... c'est ça, en 1911. En 1911, une photo si de longtemps. 2014 aussi, qui est plus tard dans l'article, qui est une autre photo disponible dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est faux. C'est, en fait, je vais donner la moitié d'un point, parce que les chutes Niagara, qui en fait le nom collectif de trois chutes d'eau près de la rivière Niagara, entre New York et l'Ontario, on connaît ça, American ouais. Falls, Bridal Veil Falls et Canadian Horseshoe Falls. Donc, le phénomène naturel célèbre depuis des générations. Donc, le volume d'eau, en fait, on parle de plusieurs centaines de milliers de gallons par seconde. En fait, les chutes Niagara gèlent une fois de temps en temps, même si c'est rarement complètement tel que suggéré dans le texte qui accompagne l'image. Donc l'eau peut quand même être vue à certains endroits en train de couler. C'est pas quelque chose d'habituel de voir les chutes Niagara gelées. Par contre, on dit que pendant des périodes de froid prolongé, l'eau des chutes Niagara peut faire des formations de glace. Et puis on dit donc que la seule fois dans l'histoire où le gel a complètement arrêté l'eau était en mars 1848. Une prépondérance de glace au-dessus des chutes a réduit le rythme de l'eau à presque rien du tout. C'est ce qu'on nous racontait dans le Buffalo Express. Par contre, la photo sépia que je t'ai montrée, elle date de 1909 et correspond en fait à la vue américaine des chutes Niagara. Et le texte qui accompagne l'image sépia dit que la photo date de 1911, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est t'as un petit peu raison et tort parce que t'as dit que ça... Il me semble que t'as dit que ça se pouvait avec les chutes Niagara gèlent. Mais que tu as dit que la photo en tant que telle n'était pas vraie. Donc, 0.5 points, je trouve que c'est raisonnable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est vrai que les œufs de flamant rose ont un jaune qui est en fait rose? Ah, c'est fou. On entend souvent ça, que le jaune, en fait, ce qu'on appelle en anglais le yolk, donc ouais. Le centre, serait rose pétant. Je peux même te montrer le fait qu'on voit souvent sur Internet. Ah! L'intérieur de l'œuf rose. Oh là là! C'est partagé comme un fait par plusieurs sites de faits. Est-ce que c'est vrai? C'est faux! C'est faux, en effet! Oui, donc la rumeur qui a commencé, je sais pas trop comment, mais on a parlé de cet intérieur d'œuf-là simultanément sur Reddit, sur Facebook, sur plusieurs blogs dédiés aux faits divers. Mais on dit que c'est faux. En fait, c'est une photo qui a été trouvée sur un site de photographie, de shooting photo, comme le petit garçon tantôt, et on a coloré le jaune en rose. C'est décevant, mais tous les experts le disent que c'est complètement faux. Il y a même des œufs en train d'être ouverts sur YouTube. On a parlé à quelqu'un de chez Flamingo Gardens et un paquet d'autres endroits, et c'est pas vrai du tout. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai que la ville de Sacramento, en Floride, paie les membres de gangs 1,5 million de dollars pour ne pas tuer? Ben là, donc, la capitale de la Californie qui aurait passé un contrat avec une organisation style non-profit, non-profit, une OSBL, pour un programme pilote pour arrêter la violence par fusil. OK, mais ils donnent pas un point cake à chaque personne. Non, en général, 1,5 million à tous les membres de gang. Et t'as pas l'air sûr. C'est faux. C'est... surtout faux, mais il y a du vrai dedans. Donc, encore une fois, je vais te donner un demi-point. Je suis vraiment demi-point aujourd'hui. Merci. La ville de Sacramento a en effet contacté et même signé un contrat avec une organisation charitable pour un programme pilote pour arrêter la violence par fusil. C'est le montant qui me titillait. C'est le montant qui... Est-ce que tu veux que je t'enlève ton 0.5 point? Non. Parce que la ville va vraiment donner 1,5 million de dollars en fonds, mais en fait, on va matcher les fonds. Donc, pendant une période de 3 ans pour l'implantation du programme. La ville, par contre, ne paie pas 1,5 million de ses fonds en général pour donner directement aux membres des gangs. Ça. L'argent vient de dons privés, donc c'est pas garanti qu'on va avoir 1,5 million. Donc, il y a plein d'autres détails comme ça là, dans l'article, mais on comprend, en gros, que le demi-point est quand même, encore une fois, pas pire raisonnable. Oui. Ensuite, allons-y avec un buffet dans un strip club, donc un club de danseuses d'une ville qui s'appelle Jackson. Donc, un buffet qui aurait été blâmé pour de la diarrhée intense sur la scène de ce strip club-là. Donc, un buffet qui aurait eu un problème d'empoisonnement alimentaire là-dedans, donc un incident de diarrhée sévère sur la scène du strip club. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça s'est passé en mai 2017, selon la nouvelle. Ça s'est passé où déjà? Ça s'est passé à Jacksonville, en Floride. Oh, Je souhaite que ce soit faux. Mais tu dis que... Je veux dire, c'est vrai. Ah, c'est faux! Oh non! Ah, t'aurais dû prendre ton instinct, Tania. Mon instinct, misère! Aucun média à Jacksonville, en Floride, a parlé de ça le 27 mai 2017. Seulement des sites de fake news en ligne. Le Border Herald est celui qui a sorti la nouvelle et c'est un site de fake news régional. C'est quand même relativement nouveau comme phénomène, des fake news régionales. Et ça avertit en bas du site, ou peu importe, dans la section à propos, que c'est un site de fausses nouvelles, de satire, si on veut. En août 2017, il y a eu une nouvelle similaire du Jackson Telegraph. C'était la même nouvelle, mais on changeait Jacksonville pour Jacksonville en Floride pour Jackson au Mississippi. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le parc thématique Noah's Ark, donc l'Arche de Noé, a été détruit par une inondation? Ce serait l'ironie du comble, un parc thématique chrétien qui parle de l'Arche de Noé, où on essayait de sauver les animaux d'une inondation, on se rappelle, aurait été détruit par une inondation que les météorologues ont nommé un acte de Dieu. C'est faux. C'est faux, en effet. Yes! Oui, donc c'était le 21 avril 2016 où le site web de Good Lord Above publie un article disant donc tout ce que je viens de raconter là. C'est vrai qu'il y a un vrai parc thématique Noah's Ark dans le Kentucky. Ça, c'est vrai. Le projet n'a pas été détruit par une inondation, en fait. Donc c'est ça, cette partie-là qui est fausse. Le reste, en tant que tel, l'Arche de Noé est vrai. Le parc thématique est ouvert depuis le 7 juillet 2016. C'est pas mal. Ensuite... on va dans le métro un petit peu. Est-ce que c'est vrai qu'on garde des corps de personnes mortes dans les salles de pause dans les métros? Donc, lorsque quelqu'un se tue en sautant devant un métro, la police doit trouver un endroit pour que le corps mutilé puisse être entreposé jusqu'à ce que les medical examiners, donc les gens qui enquêtent là-dessus, arrivent. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux que les corps sont gardés dans les salles de pause? Ah non, c'est faux. C'est sûr que le métro s'arrête, les gens sont évacués de la station. Tu peux pas toucher un corps, tu peux pas le déplacer. Tu vas être vraiment surprise d'apprendre que c'est vrai. Hein? Ouais, c'est une réalité très, très gore de la ville de New York. Mais voyons donc, toi! Je te le promets, ça vient de l'Associated Press. Lorsque quelqu'un s'enlève la vie en sautant devant un train, la police doit trouver un endroit pour mettre le corps mutilé jusqu'à ce que l'arrivée des enquêteurs se passe. Les travailleurs de transit, des fois, doivent placer le corps dans une salle de bain ou dans une salle de pause. Et naturellement, ils aiment pas ça. Certains disent être même traumatisés par ces corps-là. Évidemment, c'est des toilettes qui sont seulement à l'utilisation des employés du métro. Là. On parle pas de toilettes publiques. Dans un cas très, très récent, le corps d'un homme trouvé dans un métro de Manhattan après être mort de causes naturelles a été mis en sac et ensuite mis dans une salle de bain pour employés qui était marquée hors service. Donc évidemment, la salle de bain n'était pas nécessairement hors service en tant que telle. Ouais. On a juste mis le corps-là. Les autorités... peuvent pas dire combien de temps le corps a passé là, mais les agents de la station disent que ça peut prendre plusieurs heures avant que le corps soit tassé de ces endroits-là pour employés. Et ça augmente les chances que les employés vont tomber dessus sur les corps. Les gens sont surpris, sont sous choc. C'est les endroits, en fait, les salles de pause où les employés vont prendre leur pause, évidemment, vont manger de la nourriture, ils vont même mettre leurs vêtements. Appétissant. Et c'est littéralement là qu'on met les corps. Le syndicat a reçu plusieurs plaintes depuis la dernière année, disant que certains employés avaient été exposés à à du sang, à des restants plutôt dégueulasses de ces corps-là. On a amené le problème devant le Metropolitan Transit Authority deux fois dans la même période, mais les plaintes datent d'il y a plusieurs années même. Les gens se plaignent et il n'y a rien qui se passe. L'article continue avec plusieurs autres détails, mais quand même, je pense qu'on a l'essentiel de la nouvelle. Ça se passe à New York et c'est dégueulasse. Mais tu vois, ça me surprend vraiment beaucoup. Parce que je croyais qu'on pouvait pas bouger un corps sur une scène de... Ouais, c'est pas vraiment un crime. C'est ça, c'est pas vraiment un crime. Mais tu sais pas? Ben... C'est l'ami à côté qui l'a poussé devant. Tu sais pas, je pense que ça paraît au look du corps frappé par un métro. Non, mais ça dépend, là. Si le gars à côté de toi, il te pousse. T'as la même force d'impact avec le métro. Mais en tant que tel, t'as des caméras partout. Ouais. Donc ça devient un petit peu mitigé. Ça devient rendre assez facile le diagnostic. Comment t'appelles ça? Ouais, c'est ça. Bref. Le verdict. Le verdict, bien dit. Continuons dans le même domaine un petit peu avec une femme qui aurait posté sur Internet une photo de son bébé prématuré né dans son sac amniotique. Ce serait Raylene Scurry qui aurait posté ça sur Instagram. Elle s'en allait à l'hôpital McGee Women's Hospital le 5 août dernier. Donc le bébé avec son sac amniotique, bébé prématuré. Est-ce que ça peut être vrai ou est-ce que c'est faux? Elle a posté ça sur Instagram. C'est faux, j'espère que c'est faux. C'est vrai. Voyons donc, oui. Ouais, c'est une femme de Pittsburgh, oui. Une femme de Pittsburgh qui a laissé naissance à son fils prématuré dans son véhicule en s'en allant vers l'hôpital et le bébé était toujours dans le sac amniotique. Franchement? Real and Scary a posté ça sur Instagram, comme je l'ai dit, en s'en allant comme au même hôpital que j'ai mentionné tantôt, selon KDKA TV. Le père du bébé, Ian Van Story, l'a amené à l'hôpital pendant qu'elle composait le 911. Le garçon nommé EJ est nommé en l'honneur de son père. Scary travaille en recherche médicale et savait que le bébé resterait en sécurité même dans le sac amniotique. Donc le bébé bougeait pas au départ, elle a poké son visage, faisant très attention de ne pas percer le sac. Tu vois, elle sait ce qu'elle fait. Elle était très soulagée lorsque EJ a levé sa main et son pied vers sa tête. Il est né après 29 semaines dans le ventre de sa mère et va très bien en ce moment. Bonne nouvelle quand même. Tant mieux. Ça t'a pas mais fait hein, peur. Ça t'a pas pourquoi fait tu poses ça sur Instagram? Pourquoi? Effectivement. On va continuer avec quelques derniers parce que j'ai des nouvelles de bébés qui vont avec la nouvelle que je viens de mentionner. Donc, on va finir avec deux petites dernières nouvelles. Est-ce que c'est vrai qu'une babysitter, une gardienne, a été transportée à l'hôpital après avoir inséré un bébé dans son entrejambe? Non. Ça vient d'un site internet qui nous parle d'une femme de 31 ans de Cincinnati. Elle aurait été amenée à l'hôpital après avoir mis un enfant de 14 mois dans son... On dirait que la stupidité des gens fait en sorte que je doute sur ce genre de nouvelles-là. Donc? Hey, je touche du bois, je me croise les doigts, c'est faux. T'as essayé et t'as raison, c'est faux. Phew. Le 1er mai 2017, oui, le site World News Daily Report, on parle d'eux très très souvent dans cette chronique-là. C'est toujours de faux articles. Ça parle donc d'une gardienne à Cincinnati, en Ohio. Il n'y a aucun mot de ça, aucun mot. Qui est vrai du tout. Et pour terminer, est-ce que c'est vrai que les femmes retiennent ou gardent l'ADN de chaque homme avec qui ils ont couché? Hein? Ouais. À ta répète? Donc que les femmes garderaient avec elles l'ADN de chaque homme avec lesquels ils ont couché. Mais non, mais là, faut qu'ils... Mais non. Que les femmes absorbent et retiennent, gardent l'ADN. C'est faux. Faux? T'es sûr? Hey, j'espère! C'est effectivement faux. Donc, c'est un site de désinformation, Your News Wire, qui avait posté un article nommé « Les femmes absorbent et retiennent l'ADN de chaque homme avec qui ils ont des relations sexuelles », disant qu'une nouvelle étude montrait que les cellules se transféraient, oui, d'un homme à la femme pendant les relations et que ça devenait intégré au corps de la femme à chaque fois. T'imagines? T'accouches, puis il ressemble à ton... En réalité, par contre, l'étude qui a été publiée dans PLOS ONE en 2012 montrait pour la première fois la présence de cellules mâles distinctes génétiquement dans le cerveau des femmes qui avaient été examinées lors d'une autopsie. L'existence des cellules mâles dans le corps des femmes en général n'est pas une nouvelle parce qu'on dit que leur présence vient de cellules du fœtus qui sont mâles avant... qui viennent de précédentes grossesses que ces femmes-là ont eues. OK, donc, c'est ça, c'est compliqué scientifiquement. OK, il faudrait que t'en aies eu plusieurs, ouais. Donc, on dit que ces cellules masculines traversent une barrière dans le corps, une membrane semi-perméable qui empêche la plupart des trucs chimiques dans le sang d'entrer au cerveau. L'étude, par contre, ne mentionne pas les relations sexuelles comme mécanisme proposé pour ça. Bref, il y a plein d'autres détails là, que je comprends à peine. Je suis vraiment pas un esprit scientifique dans cet article-là. Mais allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Ce qu'on sait en tant que tel, c'est que les femmes ne gardent pas l'ADN des hommes avec qui ils ont des relations. C'est ce qu'on a à retenir de ça. Voilà, pour le vrai, le faux... dans quelques instants, notre amie Catherine Langlois va être avec nous pour sa chronique Voyage. Catherine qui est déjà avec nous pour nous dire ce qui s'en vient après la pause. Catherine, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Grand retour pour toi, oui. Oui. De quoi on parle tantôt? De voyage. Toujours de voyage. Wow! Impressionnant déjà pour une chronique Voyage, oui. Exactement. Puis on va parler de l'Asie. De l'Asie, OK. De l'Asie. Ouais. Non, j'allais pas dire le pays tout de suite. Des là, indices. Quand même. Exactement. L'Asie. Ouais. Cool. Au retour. Mais pour l'instant, une pause. On fait. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage de quilles. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de quilles. Toujours dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Tania Baudet et de Mathieu Plante. On n'a pas entendu trop de drill jusqu'à présent. Non, ça va très bien. Sachez-le. Juste tantôt, peut-être qu'ils nous entendent. Peut-être qu'ils savent. Ils écoutent l'émission. Hein. C'est ça. Il y a des gens qui font de la drill en dessous de nous du studio en ce moment. Avant la pause, on a joué à Le Vrai Le Faux et on n'a pas dit le score. Non, c'est vrai. C'est 10.5. Sur 14. Sur 14. C'est pas pire, quand même. C'est pas pire. C'est même une très bonne note. Belle moyenne. Voilà. Donc, on jouera à Le Vrai Le Faux une autre fois, puis on essaiera de battre ce record-là. Faudrait que tu gardes tête ton meilleur score jusqu'à maintenant. Définitif. Ouais. Maintenant, c'est Catherine Langlois qu'on reçoit pour sa chronique Voyage. Allez-y, parlez-nous du monde. Let's tell the world all the things we've done. Falling in love in the setting sun. I've got a song and a smile so bright. I'll make you wish you were here tonight. All right! Ah, Catherine Langlois, bon retour à toi. Merci, bon matin, bon matin. On s'est ennuyé, ça fait quoi, un mois qu'on s'est pas vu environ? Environ. Et on parle de voyage à chaque fois qu'on se rencontre, tu nous parles d'activités à faire, quoi ne pas faire des fois dans certains endroits. Et là, j'entends dire, via toi tout à l'heure, que tu nous parles de l'Asie. Oui, tes sources sont bonnes. Pas pire, hein? Oui, moi, je vais directement aux sources. Ah, c'est ça, exactement. Pour avoir mes petits cues. Oui, je vais parler de l'Asie. Écoute, le froid s'installe au Québec. L'Asie est une destination super touristique, puis de plus en plus tendance aussi au niveau des étudiants et autres. Donc, on va parler d'un pays de ce continent-là. Cool! Alors, je vais commencer tout de suite. Ben oui. Je sais pas qu'est-ce que j'attendais. Je sais pas, hein. Un pays que moi, à la base, je m'étais jamais dit. Il y a toujours les classiques Thaïlande, oui. Cambodge et autres que tout le monde veut aller une fois dans sa vie. Ce pays-là, pour moi, ça n'avait pas été un coup de cœur jusqu'à ce que je vois une présentation de quelqu'un qui était allé. Un PowerPoint? Oui, c'est ça, un PowerPoint. Non, quelqu'un qui était allé en voyage pendant un mois et m'a clairement vendu le pays. Ah oui. Quelque chose que je ne pensais pas. Il n'y a rien de plus vendeur que quelqu'un qui est déjà allé. C'est ça, exactement. J'imagine. Donc, je vais vous parler du Vietnam. Ah! Oui. Parce qu'on en entend parler à quel point c'est beau, mais en tant que tel, je pense que les gens ne savent pas grand-chose sur cette destination-là. Non, c'est ça. À part pour la guerre, on n'en parle pas bien souvent. Ben c'est ça. Donc, on va commencer par dire que le Vietnam, c'est en Asie. Mm-hmm. Au niveau de la population, on a 93 millions de personnes au Vietnam. Wow. Donc déjà là, je m'attendais pas à un chiffre aussi élevé. Ça change du Groenland comme la dernière fois, oui. qui a à peu près une population comme la ville de Saint-Hyacinthe. Donc le climat, on s'entend que c'est chaud et humide. Donc pour quand est-ce qu'il faut partir, janvier, février, les meilleurs moments. Parce que le climat est un peu plus frais, ça coûte moins cher, il y a moins de touristes, donc beaucoup plus agréable. Parce que allez-y pas là, au mois de juillet, vous allez pas aimer ça, ça sera vraiment pas le fun pour votre expérience. La langue, on parle évidemment le vietnamien là-bas. On a l'anglais aussi dans les grandes villes. Par contre, à partir du moment où on sort des grands centres, c'est beaucoup de dialectes. Donc on dit que oui, ça parle le vietnamien, par contre, dépendamment des régions et autres, vous pouvez pas savoir vraiment là, sur quelle langue que vous allez tomber. Exactement, mais l'anglais, ça se fait bien. Parler aussi le vietnamien, j'imagine, ceux qui ont un dialecte. Ou ceux qui ont un dialecte ont seulement ce dialecte-là? C'est une très bonne question. Parce qu'en plus, le Vietnam, c'est une ancienne colonie française. Ah, okay. Donc, rarement, mais des fois, ça peut arriver que vous allez trouver des personnes qui parlent français encore un peu au Vietnam. Bonjour! Oui, mais ça peut arriver. Donc, juste pour vous donner une idée à quel point il y a plusieurs langues qui se promènent dans ce pays-là, le français, il est encore un peu présent. Je me suis référée à un de mes amis qui est allé au Vietnam, je pense qu'il y a un an. Puis là, je lui ai demandé, y a-t-il un fait intéressant sur ce pays-là? Ouais. Mm-hmm. Et sa réponse fut, la pinte de bière coûte 50 sous. Oh! Là, j'ai dit, oui, c'est sûr, j'ai pas le choix de le dire. Parfait ce matin. Pour les étudiants. Ouais. En fait. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle ton ami pour qu'on puisse faire du Vietnam dropping? Jean-Philippe Guimond. T'as même pas rire de ma blague un petit peu. Mais non, je suis désolée. Mais reste que je trouve que le Vietnam concurrence la chasse. Oui, oui, c'est ça, je m'en allais dire. C'est comme un mercredi soir à chasse. C'est pas un verre de bière, là, c'est une pinte de bière à 50 sous, quand même. On jase, on jase. Oui, il y a de la rentabilité ici, là. Donc, au niveau historique, ben, comme tu l'as dit tantôt, Mathieu, c'est sûr qu'il y a la guerre du Vietnam qui a eu lieu là. Pour ceux qui ne savent pas, petit résumé, le pays était séparé en deux, donc le nord du Vietnam, qui était pro-soviétique, et le sud, qui était pro-occidental. Mm-hmm. Donc, il y a eu une grande guerre idéologique par rapport à ça. Puis, il y a d'ailleurs un endroit où est-ce que c'est un pont au centre du Vietnam qui a vraiment la division. Ah oui. Donc, quand vous êtes au milieu du pont, vous êtes réellement au milieu du Vietnam et c'est le pont qui divisait le nord du sud lors de la guerre aussi. Mm-hmm. Donc ça, c'est un endroit très, très significatif. Un petit selfie là-bas, évidemment. Hein? Exactement. C'est ça. Classique. Au niveau aussi du développement pour le Vietnam, on n'en entend pas beaucoup parler, comme j'avais dit. C'est un pays qui est assez discret. Par contre, ça suit la Chine de près. Ah, okay. Donc, on entend beaucoup parler du développement urbain au niveau des affaires aussi. Là, la Chine, on dit toujours les Chinois sont partout, là, on dirait, ces temps-ci. Même chose pour le Vietnam. Donc, on a un clash au niveau du développement des milieux urbains versus la ruralité qui est encore présente. Mais le Vietnam ne donne quand même pas sa place là, au niveau du développement des technologies, mais ils sont juste plus discrets. Ensuite, au niveau des hébergements. Oui. Les hôtels coûtent très peu cher. Okay. Donc déjà là, on peut avoir des hôtels 5 étoiles avec une terrasse sur le toit incroyable pour environ 50-70 la nuit. À date, on s'en sort bien. Ça va être le prix de l'avion qui va coûter c'est cher. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr. On le voit venir. Attendez, ça dépend. Si le billet d'avion coûte moyennement cher, mais qu'après ça, tu fais juste te nourrir en pinte de bière. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça devient rentable. Mon grand-père appelait ça de la soupe, fait qu'à un certain point. Voilà. C'est nutritif. Non, mais je me suis surtout intéressée aux auberges de jeunesse. Ben donc, ça. Il y en a énormément. Puis, on parle d'environ 5 $ américains la nuit. Donc, peut-être un 7-8 $ canadien la nuit, dans les dortoirs, évidemment. Donc, si vous voulez les chambres privées, ça coûte un petit peu plus cher, là, mais ça peut aller environ 20 $ avec air climatisé toujours, parce qu'au Vietnam, il fait très chaud et humide. Puis, il y a certaines auberges aussi, encore ma même source. Ton ami? Oui, mon ami qui m'a dit qu'il y a certaines auberges de jeunesse dans les grands centres. Quand tu arrives, tu payes ta chambre, donc ton 5 $ pour la nuit, pour le dortoir, et il t'inclut un coupon qui te donne accès à... À de la bière, non? Tu ris, mais oui. Ah, oui, les auberges au bar, donc à l'intérieur de l'auberge, souvent, il y a des bars qui sont là. Ils ont un keg. Ils le mettent là, puis c'est servez-vous jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Mais c'est des soulons, là, littéralement. Ben, on dirait bien. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ben, voyons, ouais. Ou sinon, ils pensent que nous, on est des soulons, donc c'est ils mettent beaucoup de bière. Ah, c'est peut-être ça. Je pense que c'est peut-être plus ça. Ouais, j'avoue. Donc, oui, c'est ça. 5 $, puis tu peux dormir à l'air climatisé et boire de la bière tant qu'il y en a. Wow! Ben, voyons donc. 12 ans, 5 $. 12 ans, 5 $. Au niveau de la nourriture, c'est sûr que les rouleaux de printemps. Oui. Donc, traditionnels rouleaux de printemps là, qui sont délicieux là-bas. Il y a des ateliers qui se donnent pour que vous puissiez en faire aussi puis apprendre. Donc, ça, c'est toujours le fun de la façon traditionnelle. La nourriture n'est pas épicée. Donc, souvent, quand on parle de l'Asie, on a tendance à penser que ça va être épicé. Au Vietnam, non, du tout. Okay. Donc, ça va être une nourriture qui est relevée, donc qui est très goûteuse. Par contre, là, il n'y a pas d'épices. Donc, pour les gens qui ont peur pour des petits brûlements d'estomac ou des choses comme ça, pas besoin de s'inquiéter. Il y a beaucoup de nourriture de rue aussi. Des fois, en Asie, on dit, bon, je suis pas sûre, la nourriture de rue au niveau de l'hygiène. Au Vietnam, relativement bien. Je vous dirais, en Inde, gardez-vous une gêne. Ah oui, OK. Mais au Vietnam, la nourriture de rue est excellente. Puis, choisissez un bon kiosque, mais ne pas avoir peur d'y goûter, ça, c'est certain. Il y a des marchés qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, c'est une expérience à vivre d'aller là la nuit. Et le plat traditionnel, ça, je trouvais ça très intéressant. C'est un banh mi. Un banh mi. Oui, banh mi. B-A-H-N-M-I, genre? Ouais, c'est ça. Mais en ban mi, il y a un espace. OK. On voit des fois ce nom-là, il me semble, dans les menus. Oui, bien, le plat traditionnel, en fait, c'est un sandwich qui est fait dans une baguette française. Puis là, vous allez rechercher l'histoire de la colonie française. Oui, ben oui. Donc, c'est littéralement un sandwich dans une baguette. Ben oui, là. Donc, oui, c'est ça. Donc, Tania a sorti les images, là. C'est sûr que dans les ingrédients, ben, on parle de vermicelles, carottes, piments, autres. Là, on peut avoir légumes, on peut en avoir avec de la viande aussi. Donc, dans les ingrédients, à l'intérieur, ça fait un petit peu asiatique, mais ça me faisait penser beaucoup au sandwich qu'on peut avoir chez Vanu. Ouais, vraiment. Vraiment ça, là. Ça fait très sandwicherie. Donc, le petit côté français qui est resté là, au Vietnam, ça, vous pouvez en trouver partout là, à travers les pays. Pour le transport, donc, ça aussi, j'ai été épatée. Mmh? Oui, ah ouais? Parce que le truc, là, ça, c'est un petit cue. Vous allez au nord du Vietnam, donc vous commencez dans le nord, vous achetez une moto. Wow! Okay. Ouais, tu l'achètes, là, oui, t'as ouais, lu pas. Ça achète, coûte là. Quoi, 5$ okay. Encore? Tout coûte 5$. 250$. OK, oui. T'achètes raisonnable. Une moto, mm-hmm. Tu te promènes, tu descends, tu t'en vas dans le sud du pays, et là, tu la revends. Wow! 300. C'est rentable. Ben oui. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Wow! Donc, tu t'achètes une moto à limite 250$ pour une moto. Moi, c'est vraiment ça cher. Même ça, mais il devrait comprendre le message puis faire un système de location de mais c'est moto. Juste qu'il faut que tu conduises la moto. Ouais, c'est oui, ça. Faut que tu connaisses ça. Ouais. Ouais. Par contre, on m'a dit que les policiers ne regardent pas beaucoup les permis de conduire au Vietnam. Donc, tu veux pas encourager l'illégalité, mais... C'est ça, mais admettons que tu as oublié de faire ton permis de conduire international, ben, il y a des chances que tout se passe bien quand même, là. Donc, il y a ça. Sinon, c'est sûr qu'il y a les autocars avec l'air climatisé, là, donc les autobus voyageurs, qui sont très, très populaires, faciles aussi donc au niveau des touristes. Mais tu sais, une moto versus un autobus, ouais. On s'entend. Liberté, hein? Comment mais oui, c'est ça. Là. Donc, on préfère traverser le pays en moto, en tout cas, selon moi. Ensuite, petit truc aussi pour les gens qui veulent y aller, le retrait d'argent. Donc, il y en a beaucoup qui se questionnaient là-dessus. Il faut pas aller dans les hôtels ou à l'aéroport. Il y en a beaucoup qui se demandent c'est où qui est le mieux pour retirer des sous parce qu'on veut pas en avoir trop sur soi non plus quand on est en voyage. Puis en Asie, on s'entend que ça coûte tellement pas cher que c'est beaucoup, beaucoup de sous pour les locaux, mais pour nous, c'est peut-être l'équivalent de 100$ qu'on va avoir retiré gros maximum. Donc, on priorise les banques. Donc, les banques dans les grandes villes, il y en a trois principales. Donc, pour les villes, on a Hue, Hanoï, puis Ho Chi Minh. Donc, c'est les trois villes où est-ce que vous devez retirer de l'argent. Je vous dirais, en dehors de ça, là, de trouver des banques qui peuvent, justement, vous permettre de le faire en tant que touriste, puis aussi des banques tout court, en fait, à travers le pays, là. Quand vous êtes dans les grands centres, vraiment priorisez d'aller retirer de l'argent à ce moment-là, puis pas les hôtels, ils vont vous charger incroyablement cher et les aéroports, c'est pire. Donc, des fois, il y en a qui ont tendance à faire ça. Ils disent je vais retirer de l'argent à l'aéroport en arrivant à destination. Je vous le conseille pas. Donc, pourquoi on y va au Vietnam? C'est quoi qu'il y a à voir là-bas? Les paysages. C'est vraiment une destination qui est faite pour admirer les paysages, la nature. Aussi pour la chaleur humaine que le peuple là-bas a. Donc, on le dit, là, c'est le pays du sourire. Donc, vraiment, les gens là-bas sont super sympathiques. Il y a les rizières. Donc, les fameuses photos là, où est-ce que c'est dans des champs de rizières avec des collines et tout. On a la baie d'Along. Ça, c'est sûr que vous avez déjà vu des photos sur Facebook ou peu importe. Sans là. Savoir. C'est ça. C'est la baie où est-ce que vous avez des petites montagnes avec un fameux bateau qui accoste sur le bord de la plage là, en Asie. Nous, tout le monde l'a vu, cette baie-là. Donc, la fameuse carte postale. On a les grandes villes, justement, là, comme Hue, Ho Chi Minh et Hanoï. Donc, ça, c'est super intéressant pour voir le développement. Donc, quand vous allez aller vraiment là, dans le côté... je vous parle comme si vous partiez en voyage. Ça, ben... Oui, mais non, mais pourquoi vas-y, là, on va peut-être c'est partir 50 cents la bière. super important, je trouve, quand on va dans un pays comme le Vietnam, qui est en plein développement, d'aller dans les grands centres, même s'il y a certaines personnes qui disent « Ah, moi, les grandes villes, ça m'intéresse pas », juste pour voir la différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Le contraste un peu. C'est ça, donc le contraste qui est super intéressant. Puis, on a les plages. Mais les plages du sud du Vietnam sont incroyablement belles. On s'entend, c'est pas l'eau turquoise de Cancun. Ben, c'est pas la mal même turquoise, chose, en tout cas, mais... selon Google. Ouais, ils prennent des belles photos. Ouais, hein, ouais. Non, mais c'est très, très beau, par contre. Ouais. Mais on va pas s'attendre à la même chose parce qu'on peut voir ses orteils en côté. Non, non. Mais c'est plus de l'eau émeraude, là, comme on peut voir, là. Émeraude. Okay. Ouais, oui, plus de couleur émeraude. Puis c'est super beau, c'est tranquille, c'est très, très relaxant. Donc, qu'est-ce qu'il y en a beaucoup qui font? Ben, achète-toi une moto dans le nord, descends. Donc, regarde tout le pays. Puis ensuite, dans le sud, ben relax un petit 4 jours sur le bord de la plage. Allume-toi un petit rouleau de printemps. C'est ça. Ça se prend bien. Ouais. Mais, oh mon Dieu, hey, je peux en parler? Vas-y donc. Ça, c'est une très bonne anecdote. dans mon passé... Ouais, il y a du tabac vietnamien qui existe. Puis... c'est légal au Canada. OK. Je tiens à le dire. Je savais pas ça. Et mon ami en avait ramené. Le même ami? Du Vietnam. Ben oui. C'est ça, du Vietnam. On avait ramené beaucoup. Donc, énormément, avec une pipe vietnamienne qui était en bambou. OK. Donc, c'est une forme de bambou. Et on fume ça là-dedans. Donc, j'ai essayé ça. Et Seigneur! Ça fait... toute une expérience. Ah ouais? Oui. Je tiens à dire, je n'ai jamais consommé de drogue illégale. OK. Mais si j'en avais consommé... C'était ça. Ça pourrait faire le même effet que... mettons, là. Que ouais. De la marijuana, mais... À puissance 12, non? oui, à très grande puissance. Oui. Oh. Par contre, dans un laps de temps très, très court. Il est laid. Donc, ça dure peut-être, là, l'effet dure, je vous dirais même pas 2 minutes, là. Okay. C'est peut-être 2 minutes. Puis, donc, il faut prendre beaucoup de tabac pour que ça soit un effet continu. Mmh. Mais à partir du moment où tu prends une inspiration, donc une puff, comme on pourrait dire, là, t'as l'impression Quelqu'un de drogué dirait ça, mais toi, tu dirais pas ça. C'est tout ça. Arrête. Moi, je dirais pas ça. Et t'as l'impression que t'es assis sur une chaise, par exemple, là, ouais. Ta chaise devient un nuage, t'es comme assis dans la ouate. Aïe, aïe. Tu deviens molle, puis t'es super détendu. Ah. Écoutez, je vous jure, c'est quelque chose. Et c'est légal au Canada. Puis là, il n'en reste plus chez vous. C'est ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui va au Vietnam bientôt, j'aimerais ça qu'on m'en ramène. Non. La commande est remplie. Oh, non, c'est ça. Mais c'est quelque chose. Puis c'est pas, tu sais, c'est une drogue très douce, là. Ouais. C'est ils disent là, du tabac vietnamien en tant que tel. Mais c'est quelque chose à essayer, juste pour le fait que ça dure 2 minutes. Fait qu'à la limite, si vous aimez pas ça, ben ça part très ça facilement. Passe, là. Oui, ça passe beaucoup plus rapidement que d'autres drogues qui peuvent durer 12 heures, par exemple. Mais que t'as jamais essayé parce qu'elles sont illégales. Non, c'est ça, exactement. Mon Dieu, j'ai plus l'impression que je fais une chronique sur la toxicomanie. Donc, est-ce que tu t'es défendu quelque chose qu'on t'avait pas accusé? Mais bon. C'est ça, ça arrive des fois. Les billets d'avion, maintenant. Oui! Donc, on pense que pour le mois de janvier, parce que c'est là que c'est le plus favorable d'y aller, combien est-ce que ça pourrait coûter un aller-retour? Un aller-retour, moi, je dirais... 5 piastres. 50 cents. 50 cents comme la bière. J'irais aux alentours de 800-900. OK. De bord, je vais y aller à 950. Mais les deux, vous êtes dedans. Ah oui? Mmh. Oui, c'est entre 800 et 1200. C'est pas super. Donc, 1200 quand on a vraiment des dates fixes puis qu'on peut moyennement magasiner les moments. Par contre, si vous magasinez bien, que vous êtes flexible au niveau de vos dates, là, on peut aller dans les 800. Donc, c'est assez rentable. On s'entend, le 800. Puis ensuite, c'est à coût de 5, un petit 250 pour une moto, 50 cents de la pinte. Puis 250 pour la moto, tu le refais après, pareil. C'est ça, ouais, exactement. C'est ça. Tu le revends. Fait que tu peux le boire. La durée de vol, en moyenne, ben c'est 15 heures. Donc, 15 heures dans les airs. Environ 24 heures là, avec les escales, là, en moyenne, qu'on peut avoir pour le temps de transport. Quelque chose qui est important, c'est que pour le Vietnam, on a besoin d'un visa. Ah, OK. Donc, on n'a plus l'habitude, là. Nous, les Canadiens, on peut passer un peu n'importe où tant que c'est pour moins de 90 jours. Par contre, pour le Vietnam, super important d'avoir avant l'entrée au pays. Puis même environ un mois avant, je vous conseillerais au cas où qu'il arrive quoi que ce soit. Donc, c'est facile à obtenir, vraiment. Là, c'est rien de compliqué. Mais pensez pas à aller au Vietnam. Prenez-vous pas un billet d'avion sans avoir de visa rendu aux douanes à l'aéroport. Votre voyage va tourner d'une autre façon. Ouais. Donc, les vaccins, il n'y en a pas d'obligatoire. Par contre, c'est sûr que c'est conseillé d'aller dans une clinique pour voir lesquels sont conseillés. Parce qu'on s'entend que la qualité de l'eau et des aliments, ce n'est pas la même non plus. Donc, on ne veut pas avoir la tourista. Ouais. Et autres possibilités. Petite surprise. C'est ça. Donc, la monnaie, c'est le dong. Ouais, on sait tous ce que ça veut dire en anglais, dong, mais c'est pas ça. On paye pas en pipi. Non. Bref, j'ai vraiment ri à une blague de ça. Oui. D'accord, je pense que je suis un petit peu fatiguée. J'en ai fait des bonnes dans toutes les euphories, effectivement. Vous êtes fatiguée. Donc, c'était ça pour le Vietnam en tant que tel. Puis là, où est-ce qu'on veut partir au mois de décembre? Ouais, tu nous fais une petite liste d'endroits à visiter en décembre. Environ une ou deux. À chaque fois, si tu parles de mois de décembre depuis le début de la... Non, j'avais commencé avec le mois d'octobre, novembre, décembre, voyons. Qu'est-ce que les auditeurs vont penser? les pays, donc j'en ai plusieurs, mais c'est sûr qu'il y a la Thaïlande. Donc présentement, au mois de décembre, c'est vraiment le bon moment pour ceux qui veulent y aller. Donc il pleut moins, la chaleur n'est pas encore à son comble. Puis... c'est ça, il y a moins de touristes aussi. Donc, décembre, Thaïlande, janvier, février, Vietnam, ça se prend bien, je trouve. Une belle continuité. Et pour les billets d'avion pour la Thaïlande, une semaine au mois de décembre, on parle de 1090 Montréal-Bangkok. Okay. Donc, avec deux escales, c'est 25 heures quand même c'est long. En transport. Là. Mais quand même, pour un petit moment en Thaïlande, là, ça reste relativement peu cher, 1090, là, c'est des prix moyens. Mm-hmm. Et ensuite, je veux vous parler des fameux marchés de Noël. Ah. Oui! J'adore ça. Les gens qui aiment Noël, là... Tania, on va nous parler de Noël tantôt, je pense. Bon, voilà. Donc, on le sait, il y a des marchés de Noël en Europe. Mm-hmm. Donc, dans plusieurs pays, là, il y a l'Allemagne, la République tchèque pour Prague, d'ailleurs. France, Suède, Belgique, c'est tous des pays qui sont reconnus pour leur marché de Noël. Mais, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que celui à Strasbourg, donc on en entend beaucoup parler, là, c'est l'un des plus... les plus populaires, et il a été élu par l'UNESCO le plus beau marché de Noël au monde. Donc déjà là, ça donne envie. Strasbourg, c'est en France, si je ne l'avais pas dit, en Alsace. Donc il y a 10 villages à l'intérieur de la ville de Noël. Puis ça regroupe plus de 300 chalets. Oh my God! Donc quand on dit chalet, c'est des kiosques. Donc parce que c'est tout fait comme en bois rond. C'est super cute. Donc il y a plus de 300 kiosques qu'ils peuvent aller voir dans les 10 petits villages dans la ville. Et ils ont le plus gros sapin naturel d'Europe. Oh là là! Ouais. Cherchez-moi pas, je m'en vais là. Donc déjà là, c'est super. C'est le marché Noël que je vous conseille d'aller. Et pour ceux qui ont un petit peu moins de sous, il y a le marché Noël allemand de Québec. Oui. Okay. Ça, ça peut bien. Pas mal moins de sous, mettons. C'est ça. Ça rentre plus dans mon budget. Aller-retour, Trois-Rivières, Québec, ça coûte pas cher. Mais oui, c'est très, très beau. Celui à Québec, là, il est de plus en plus populaire. Puis, il s'inspire justement des marchés de Noël européens. Mm-hmm. Donc, on retrouve les petits chalets là, en bois rond, justement, qui sont les kiosques et toute autre nourriture aussi festive avec les lumières et tout ça. Donc, dans le Vieux-Québec, c'est très, très charmant. Pour ceux qui voudraient aller au marché de Noël au mois de décembre en Europe, je vous conseille d'atterrir à Paris parce que si on décide d'aller dans un autre pays, premièrement, ça va coûter plus cher. Donc, ça peut aller de 200-300 $ de plus que d'atterrir en France. Puis, rendu là, ben, on est mieux d'atterrir à Paris puis de prendre un vol à l'intérieur ou de prendre le TGV, fameux train à haute vitesse. Si on y va pendant une semaine, à Paris au mois de décembre, c'est 570 $ aller-retour. Mon Dieu, pas cher. Non, c'est ça, ça vaut la peine. Puis ensuite, pour les vols... à l'interne, donc on parle d'environ 20 à 40 euros si on veut se promener. Ouais, c'est ça, si on veut se promener en Europe là, pour faire tous les marchés de Noël. Donc ça peut valoir la peine, là, un petit 500-600 $. Plus les cadeaux que vous allez acheter au marché de Noël. C'est ça, ouais, là ça devient un peu moins rentable par contre. Donc oui, les marchés de Noël et la Thaïlande au mois de décembre, c'est vraiment là qu'il faut aller. Je vous le conseille, c'est les destinations qui seraient les plus populaires puis les plus avantageuses pour cette période-là de l'année. C'est beau, ça! Ah, c'est merveilleux! Oui! Ça fait rêver, comme toujours! C'est sur ma bucket list! Ah oui, hein? Ah, oh, mon Dieu! Le marché de Noël en premier? Ben, toutes les marchés de Noël! Il y en a beaucoup! Merci, Catherine Langlois! Ben, ça fait plaisir! On te retrouve dans deux semaines! Oui! Pour un autre voyage autour du monde! Tout à fait! Et on va être rendu dans la liste du mois de... Est-ce qu'il reste une chronique en décembre? Oui. Oui. Oui, ben oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Fait qu'on va être dans le mois de janvier. Oui, ouais, tout à fait. Exact. Je vais vous dire où partir en janvier. Super, merci Catherine. J'ai pas de chanson dédiée au tabac vietnamien, mais j'ai une chanson dédiée au tabac indien. Donc ah oui? Voici KNLO. À son là, je requis. Indien comme le tabac indien, même pas indien. Indien comme le tabac indien. Yeah. Indien comme le tabac indien, même pas indien. Indien comme le tabac indien. OK, là. Walkie, get mon tabac indien. Back at Canada, walkie, get mon tabac indien. Check me, don't stick it back at Canada, walkie, get mon tabac indien. Back at Canada, walkie, get mon tabac indien. On bouge pour une révolution, mais grosse puffin. Au CGE, j'pense toutes mes profs de philo puffin. Comme dans les 70s, que ben serait ton soviet. Ben caché sur le backseat, cache en dessous d'une serviette. Go ask Guest en bar et go ask Jeffrey Kelly. About les politiques, oubliez jamais la télé. Les prix on stagne, c'est pas comme Sega au vidéo, oui. Back, ça m'arrive le temps de 48 et oh, oui. Juste passe ta dent et en pique, moi jamais revenir. Comme camé avec des fleurs en cristaux, pis un slowie. C'est un détail, j'suis pas d'argent, et pour nous sauver. back in Kanawaki, au moins j'ai pas snowy. Fait de rire, la morte à verre dans pis de tabac. Donne le rêve facile comme un Saint-Louis, tu merci la vie de pure, but j'suis steady smoker. Ça c'est un pour la cigarette, le reste trop pas. Back in Kanawaki, keep on cow a ain't it. Back in Kanawaki, keep on cow a ain't it. Kanawaki, get mon tower, ain't it? Pas d'inflation, les prix ont juste l'air de baisser. Mon skip ben raide, le trafic du pont Jean-Cartier. Prochaine paye dans prochaine heure, prochaine sortie. Ain't it comme le tower, ain't it? Même pas ain't it. Tout blanchi comme la farine, l'histoire pas ben rincée. J't'en garde contre la clope comme mon vieux patin léché. Hola, sola, chili, ça c'est le bel en leche. La voie lactée, petite casse même pas le bisser. Bienvenue aux Anunnaki, faut pas freak out, listen. J'peux pas prendre ça pour ce cash, même si tu show love. Elle trois quarts des young bloods dans mon hood, on s'flow love. Alright. Okay. Old can a hook. New can a hook. Alright. Check my dog, see you back at Kanawaki. Tawa, ain't it? On one. Akila. Back at Kanawaki, get more Tawa, ain't it? Back at Kanawaki. Check my dog, see you back at get some Tawa, ain't it? Yo, yo, why y'all that laugh about? You like mine? Là-bas, Indien, le Canelo, de À la claire ensemble. Vous êtes ensemble à Jouaki. Dans deux minutes, on continue l'émission avec ta chronique, Tania. Ça va être à ton tour. Oh, que oui. Et plus tard, une grosse pointe en l'as. Vous êtes pas prêts. Oh, non. Oh, que non. Ah, on va essayer. À son âge, Jouaki. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Déjà la troisième heure d'assemblage requis en ce jeudi 30 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dernier jour de novembre. Ok, oui. C'est là que ça se passe. Ben oui, il va nous rester quelques semaines avant Noël, avant les vacances. Tout le monde. Il ne restera pas beaucoup. Aucun nom. Excusez. Ton claquement de dents. J'ai vraiment excité au fait qu'on va être en vacances. C'est le fun, ça. Justement, on va t'entendre claquer les dents sur la chanson. Peut-être que ça va, à la place de claquer des mains des ou des doigts. Des doigts, je vais claquer des dents. Ce serait pas pire. Je vais essayer. On essaie de ça. OK. C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Ça devient... Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Hey, mal à mon choix. Ouais, ça doit. Tu vas avoir de la misère à faire ta chronique de 20 minutes là-dessus. Hein? Ouais, ouais, ouais. On parle de Noël ce coup-ci. Eh bien, oui. Catherine vient tout juste de nous en parler. Québec, le petit village mm-hmm. de Québec, c'est très bien si vous voulez visiter, en fait, un petit village. Mais sachez aussi que la ville de Québec vient d'être votée la meilleure au Canada pour les vacances de Noël. Ben, c'est fou, quand même. Donc, on peut être fiers, quand même, de nos voisins d'une heure 20, 1h15, approximatif. On n'est pas trop surpris, hein, vraiment, de voir ça comme ça, parce que le vieux Québec, quand même, ça se transforme assez bien en village de Noël dans le temps des fêtes. C'est très, très beau. Et il y a plusieurs endroits que vous pouvez visiter, d'ailleurs. Bon, on a parlé du fameux village, mais on vous propose, entre autres, le Palais de glace. C'est à Québec. On vous propose aussi d'aller essayer la course à canot. Ça se fait sur la neige. C'est très demandant. Si vous êtes sportif, ça peut être quelque chose qui vous rejoint. Mais ça fait partie des critères du pourquoi la ville de Québec a été votée la meilleure ville où fêter les fêtes. On peut aussi aller goûter à la fameuse boisson le caribou. On peut aller admirer des sculptures de neige qui sont incroyables en passant. Et on peut aussi aller faire un tour dans une grande roue sur neige. Donc, c'est de toute beauté. Vous allez un petit peu voir... Le manège, là, vraiment. Exactement, le manège. Vous allez voir Québec, mais sous ses formes festives. Et ça, c'est... voilà, c'est les raisons pour lesquelles ça a été voté ville au Canada, où on veut fêter les fêtes. C'est à en claquer des dents. Non, j'ai-tu claqué des dents encore? Mais c'était pas mon sujet de chronique. Non. Sachez-le, la ville de Québec m'intéresse, mais m'intéresse peu. Bon, okay. Mais sachez-le. Vous le savez peut-être, Mathieu l'a dit à maintes reprises, je suis une tripeuse de films de Noël. Ouais, et de musique de Noël, on l'a et dit. De musique de pour Noël. Ceux qui s'en rappellent pas, Tania est au bureau, à la place d'écouter la programmation excellente de C'est fou, elle écoute la musique de Noël. Ouais, je suis désolée, je me mets dedans, là. Il faut que je fasse mes commissions. Parce que sinon, on entend tout le temps les mêmes émissions. C'est ça, exactement. Mais je suis de celles qui... peu importe, ouais. Qui ont déjà écouté un minimum de 3 films de Noël avant le 1er décembre. Incroyable! OK. Et là, les films de Noël vont commencer à sortir de plus en plus. Ouais. On va être le 1er décembre demain. Les chaînes de télé vont toutes avoir des programmations spéciales. Exactement. Ouais. Mais je sens que tu vas aimer ce que j'ai à te proposer, Mathieu, okay. Parce qu'on connaît tous les classiques de Noël, c'est-à-dire le sapin à ses boules, l'autre là, qui cherche... Maman, j'ai raté l'avion. Le père qui cherche le jouet incroyable pour son gars, que je me souviens jamais son nom, Schwarzenegger. Oui. C'est ça, le titre du film m'échappe, mais quand même, j'ai pour les amateurs d'anti-films de Noël. Ah, c'est le fun. Des films pour vous. C'est pour moi, ça. Hey, je t'écoute, là. Des films anti-Noël, là, qui vont faire changement de vos classiques des fêtes. Mais que est-ce vous que connaissez? C'est genre comme Die Hard, parce que ça se passe à Noël, c'est considéré comme un film de Noël, mais c'est un film anti-Noël? Il y a de la violence. Non, c'est pas Die Hard. C'est un gros débat sur Internet en ce moment à savoir est-ce que Die Hard est un film de Noël ou pas. Si ça se passe à Noël, c'est un film de Noël. Ouais, t'as raison. T'sais? Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais il y a des films qui sortent avant Noël, qui se passent entre Thanksgiving et Noël. Mm-hmm. Ça, c'est un peu mélangeant. Le film fait des fêtes. C'est ça. Tu sais, c'est des fêtes. Mais t'as pas le droit de dire ça des fêtes, sinon ça veut dire que tu dis pas Noël. Ouais, en tout cas. Hein. Et je vous garantis que vous allez avoir du plaisir à regarder ces films-là. J'ai regardé la liste tout à l'heure et il y en a beaucoup que j'ai déjà vu et que j'associe déjà à un des classiques des fêtes. Fait que je sais pas si je suis comme au milieu entre anti-films de Noël ou clairement folle des films de Noël. Mais en tout cas, mon premier, peut-être que vous le savez pas, peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, c'est un moment de silence pour ne pas connaître le classique qu'est The Gremlins. Okay. Les Gremlins. Oui, oui. Les petites bestioles. Les petites bestioles, exactement. Sachez qu'il y en a un de Noël. Et c'est un jeune garçon qui se fait offrir un Mogwai. En fait, un Gremlin, c'est pas son vrai nom, c'est un Mogwai. C'est une espèce de petite créature qui est achetée dans Chinatown. Et on peut pas le mouiller, on peut pas le nourrir après minuit et on peut pas l'exposer à la lumière. Oh wow. Donc, lorsqu'on enfreint ces règles-là, le Mogwai se transforme en créature maléfique qui terrorise les gens d'une petite ville. Et ça, c'est des Gremlins. Ouais, ça, c'est des Gremlins. Okay. C'est un film des années 1984, OK? Des années. Les années 1984. J'allais te dire ça, c'est sorti ça, en 84. Moi, le film Gremlins m'a été présenté par mes parents. Alors, si vous êtes de la génération encore un petit peu plus jeune que moi, vous avez peut-être pas vu ce film-là. Je vous le dis, courez courez, trouvez une version. Trouvez-vous un VHS. Cassette, DVD, je sais pas, trouvez-le sur Internet, streamez-le au pire, soyez illégaux. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais il faut absolument voir ce film-là au moins une fois dans sa vie. Il y en a eu trois. Il y a eu la version qui est pas vraiment Noël, là, mais là, on parle de film anti-Noël. C'est qu'on va vraiment venir terroriser la ville pendant ce temps-là, durant le temps des fêtes. Et bien évidemment, on adore Gizmo, c'est notre préféré des Gremlins. Et c'est un film de Steven Spielberg, sachez-le. Ah. Alors, il faut absolument voir ce classique. Je sais qu'à chaque Noël, mon frère, ma mère, moi et mon père, en temps normal, on l'écoute. Fait qu'il va falloir voir si VTL... parce que c'est pas sur Netflix, je viens de vérifier. Dans le temps, c'était TQS, mais là, est-ce que VTL va nous faire plaisir et le diffuser? Je prie les dieux des films de Noël, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est Krampus ou Krampus, film que je n'ai pas vu, sorti en 2015. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est exaspéré par les disputes entre les membres de sa famille et il décide de ne pas célébrer Noël. Ce qui ne sait pas, en fait, c'est que cette décision-là va entraîner la colère de Krampus, qui est le démon de Noël. Oh! C'est un film style horreur. C'est sorti en 2015 dans la catégorie horreur. Je l'ai pas vu. Ou si je l'ai vu, j'ai vu simplement quelques extraits. Il y a un petit peu... écoute, l'idée est d'être un film d'horreur, mais il y a comme une espèce de sarcasme dans tout ça entre le fait que tu peux pas faire un film d'horreur durant le temps des fêtes. Fait que ça devient quasiment humoristique comme film d'horreur, mais c'est très intéressant pareil. C'est sûr que c'est léger, là, on s'entend. Écoute, c'est un film des fêtes, OK? c'est pas la plus grande recherche incroyable. Sinon, un autre classique qu'on connaît bien, pour la plupart, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sorti en 93, Jack Skeleton n'en peut plus de célébrer l'Halloween parce qu'il faut savoir que ça aussi, c'est plusieurs films. Et il décide donc de préparer une fête de Noël pour les habitants de sa ville qui, eux, ne sont pas convaincus trop que cette fête est faite pour eux. Parce que il faut savoir que Monsieur Jack, c'est un squelette. Il vit dans un monde d'Halloween. Et là, il est tanné de célébrer l'Halloween, donc on va tout simplement décider de célébrer les fêtes de Noël. Mais tout le reste de son village est aussi d'Halloween, donc ça fait un petit côté, une petite suite en fait entre les films qu'on peut écouter à l'Halloween, Thanksgiving et jusqu'aux fêtes. C'est très intéressant, c'est pas mon film des fêtes préféré. J'ai des amis qui trippent sur ce film-là, c'est leur classique du temps des fêtes, mais moi je suis plus catonne que ça, là, je suis désolée. le prochain... Tout le monde l'a vu. Je pense que si quelqu'un n'a pas vu ça, il doit avoir 3 ans. Ben je sais pas. Sorti en 2000, c'est The Grinch. Ben oui, Jim Carrey. Jim Carrey. C'est un monstre vert mythique qui a été surnommé le Grinch parce qu'il habite dans une montagne à l'extérieur de la ville de Shoeville. Et cette année, il a décidé de s'en prendre à la fête de Noël, d'essayer de rendre un petit peu la fête désastreuse pour les habitants de la petite ville. Et on va comprendre au fur et à mesure du film que le Grinch a été maltraité durant le temps des fêtes. Oh. Et c'est ce qui fait qu'il a une haine incompréhensible pour Noël. Mais bon, hein, c'est tout bon film de Noël finit bien. Alors, c'est pourquoi ce film-là, c'est comme un anti-Noël, mais pas trop. Pour rendre les gens qui sont anti-Noël pro-Noël? Ah! C'est peut-être le film que je vous conseille. Si vous aimez pas tant les films qu'Étienne, vous dites que vous êtes un anti-Noël. Écoutez-le, puis à la fin, vous viendrez pas me dire que vous aimez pas les petits films qu'Étienne. Ah, ça vous ferait semblant. J'aime exactement. Pas ça, les films de Noël. Le prochain, je le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est dans la liste des anti-Noël. C'est pas ta liste, en passant. Non, il faut le dire, c'est pas ma liste. Je vous nommerai pas la source. Mais c'est pas... Non, s'il te plaît. c'est pas ma liste à moi. Tout à l'heure, on l'a nommé dans les classiques de Noël. Et vraiment, là, je ne comprends pas pourquoi il se dit anti-Noël. C'est « Maman, j'ai raté l'avion ». C'est un jeune enfant ingénieux qui se fait oublier à la maison lors d'un voyage familial. Bon, tout le monde connaît approximativement l'histoire. Ouais. On va devoir déjouer des cambrioleurs qui vont essayer de voler les objets précieux de notre maison. Ça se passe en 90, du moins le premier, sorti en 1990. « Maman, j'ai raté l'avion », pour moi, c'est pas un anti-film de Noël. Mais peut-être parce que le garçon se fait abandonner pendant les fêtes de Noël. C'est ça j'ai pensé. Donc ça pourrait lui enlever l'esprit des fêtes. C'est comme... c'est la bad luck numéro un que tu veux pas pendant pendant les fêtes. Probablement. Donc, oublier ton enfant à l'aéroport. Baloc improbable et on pourrait même dire impossible. Aussi. Tu sais, fait que de ce côté-là, en tout cas, vous le jugerez vous-même. Et regardez le deuxième pour le célèbre caméo de Donald Trump. Oui, ben oui, tout ben à oui. fait. Quand il rentre au palace. Schwartz truc, ouais, c'est exactement. C'est le Plaza. C'est ça, le Plaza ou le Palace, en tout cas, un des deux. Le prochain, ça date de 1997. C'est un film qui a été catégorisé aussi horreur, sachez-le. C'est le meurtrier en série Jack Frost qui meurt durant son transport pour son exécution et revient sous la forme de bonhomme de neige. Il s'en prendra à toutes les personnes qui l'ont condamné à mourir. C'est pas la version cute qu'on connaît de Jack Frost de Snowman, okay, sachez-le. C'est pas le père qui décède dans une tempête de neige et qui revient comme bonhomme de neige pour faire plaisir à sa famille. Non, c'est un petit peu plus dark que ça. Alors, ça rentre très bien dans les films anti-Noël parce que, bon, on s'entend, il va hanter toutes les personnes qui l'ont condamné à mourir. Déjà, à la base, c'est pas quelque chose qui sonne bien, c'est pas quelque chose qui sonne féerique non plus. On est très, très loin de Smoky Mountain Christmas, sachez-le. Ton film préféré avec Dolly Parton. Oui, exactement. Oui. Donc, 97, c'est pas trop pire. C'est sûr que la version DVD, vous allez peut-être pas l'avoir. Je vais le voir à la boîte parce que je cherchais l'autre, celui avec Michael Keaton, c'est en 98. Oui. Celui qui est cute, là. Oui, c'est ça. Celui 97, moi, il est moins cute. Celui 98, c'est un de mes classiques aussi. Il ouais. Y a aucun moment, là. J'ai écouté ce film-là à toutes les années depuis que j'ai peut-être depuis sa sortie, en fait, en 98. Et à chaque année, au même moment dans le film, je pleure. Oh. Pourquoi? Mais est-ce que c'est un moment où c'est approprié de pleurer? C'est un moment qui est très approprié de pleurer. C'est le moment où tu te dis que t'aimerais pas ça que ton père devienne un bonhomme de neige. Oh. Je te salue, papa. Un câlin, puis ils font. Exactement. Ouais. Ben, en fait, ils font un certain moment dans le film. Je veux pas voler non, le punch. J'imagine. Mais si vous voulez vous faire un petit marathon de films anti-Noël et Noël, bien, tapez-vous celui de 97 avec Jack Frost, qui est le meurtrier. Et par la suite, écoutez celui de 98 avec Michael Keaton, qui est complètement différent. Et vous allez peut-être voir certaines similarités, parce que, bon, c'est sûr que... C'est basé sur la même histoire. Mais autour, celui de 98 est pas mal plus cute. Pas mal, ouais. Par la suite, moi, personnellement, j'ai jamais écouté ce film-là. Il ne m'a jamais attiré. Il a même été catégorisé de film plate à un certain moment. Ouais. C'est Méchant Père Noël, qui est sorti en 2003. C'est un homme malhonnête et son ami nain qui se font engager dans des magasins pour les cambrioler la veille de Noël. Donc, leur plan ne va pas nécessairement fonctionner comme prévu et l'homme malhonnête va prendre en pitié un jeune garçon solitaire pour le temps des fêtes. Donc, c'est un anti-Noël qui, lui aussi, vire en quétaine un petit peu. Je me souviens plus le nom de l'acteur qui joue là-dedans. Je ne sais pas si Mathieu, tu peux me le trouver. Ce sera vraiment pas long. C'est un acteur qu'on a vu dans des milliers et des milliers de films. Il a l'air méchant en général, c'est vrai. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis ça, que ça fit quand même bien dans Billy Bob Thornton. Et voilà, Billy Bob. L'ex à Angelina Jolie. C'est exact. Ça fit bien dans les films anti-Noël, juste pour la face de Billy Bob. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter, mais je vous avertis, la fin va être quétaine. Bon, hein. On sait maintenant. C'est comme ça. Ça. Le prochain, 2012. Donc, on se rapproche dans les années. On parle d'un film d'horreur, encore une fois. Ça s'appelle Silent Night, le Père Noël tueur. OK. C'est un tueur en série qui se déguise en Père Noël et qui sème la terreur dans une petite ville du Midwest. Et il va bien évidemment ne reculer devant rien pour satisfaire son envie meurtrière. Donc, c'est un film carrément anti-Noël. On peut pas dire que c'est cute. Mm-hmm. On peut pas dire que ça finit cute non plus. C'est un film d'horreur. Il tue tout le monde, that's it. Bon, hein? Si t'es vraiment, là, mais vraiment anti-Noël, vas-y pour ça. Okay. Tu m'en donneras des nouvelles. Un autre qui est un remake, en fait, en 2006. Ça s'appelle Noël Noir, donc Black Christmas. C'est un maniaque qui réussit à s'évader et qui retourne dans sa maison d'enfance pour massacrer les membres d'une confrérie d'université. Sympathique. C'est très sympathique. Mais, encore une fois, si vous détestez tout ce qui est cute, tout ce qui est Hallmark movies, ouais, clairement, ça, c'est votre ça. Film. Ouais. Ça va juste éveiller la méchanceté de Noël en vous. Donc, peut-être est-ce que c'est ce que vous cherchez. Je ne pourrais vous le dire, mais C'est vous qui allez pouvoir en déterminer. En passant, tu parles de Hallmark Movies, là, la chaîne W, c'est la chaîne pour femmes, entre guillemets, un marathon de films de Noël style Hallmark, Lifetime et autres trucs là, que tu vois les résumés puis les acteurs, tu fais comme c'est qui ça, c'est quoi ça? Exactement. C'est des films que t'as jamais vus. Les films Hallmark, c'est un petit peu les films de série B. C'est ce qu'ils jouent à VTL les après-midi, mettons. C'est pas mal ça. Ça coûte vraiment pas cher. Le dimanche matin, là, quand vous vous levez, là, puis que c'est un petit film de filles qui joue, là, c'est souvent du Hallmark. Que t'as jamais entendu parler de ça, ça vient de Hallmark et Lifetime. Sachez qu'il y a beaucoup de films de Hallmark qui se retrouvent sur Netflix. Ah, sans blague. Pour le temps des fêtes. Ils sont tous sur ta liste. ils sont tous quasiment écoutés. C'est fun de pouvoir s'abonner à une chaîne sur Netflix. C'est genre tout ce qui est Hallmark Movies. Tout ce qui est Hallmark Movies, moi, je le ferais. Parce que même si c'est pas ceux des fêtes. Ah non, pas ceux vraiment qui étaient genre... Le dimanche matin, parfois, je suis désolée. Oh, wow. Ça, c'est mon côté 100% féminine. Oui. Je trippe ces petits films quétaines. Ah ouais. Je blâme mon père pour ça. Ah, okay. Parce que je me levais le dimanche matin quand j'étais jeune, puis il y avait tout un film de même à TV. Puis je voulais pas me retourner me coucher parce que j'étais réveillée. Fait. J'aime, je sais pas si t'as vu, il y a un film, je crois que c'est Lifetime, avec Will Ferrell, qui est une genre de parodie de ces films-là. Ça jamais vu. A Deadly Adoption, ça date de 2015. Okay. Will Ferrell et Kristen Wiig. Deadly Adoption. En fait, c'est pas vraiment une parodie. Je pense que c'est comme ils ont pris deux acteurs comiques pour faire deux rôles qui seraient typiquement donnés à des acteurs dramatiques. Il me semble. En tout cas, ça a l'air intéressant. Regarde ça. Deadly Adoption. Ça a l'air bien bon. Mon prochain sur la liste anti-Noël, c'est un film animé, sachez-le. Donc, si vous n'aimez pas déjà à la base les films animés, allez-y pas trop avec celui-là. Lui aussi, on le connaît comme un classique anti-Noël, mais il a été refait en 2009 en animation. C'est Le Drôle de Noël de Scrooge. Scrooge comme dans le Scrunchy Smash. J'ai un petit peu de difficulté avec mon allemand. Donc, c'est un homme égoïste et sans scrupules qui reçoit la visite de trois fantômes de son passé la veille de Noël. Oui. Il réalise que ses actions ont des conséquences parfois plus importantes qu'il le pensait. C'est vraiment le classique, mais version animée. Je vous dirais que le classique aussi peut se qualifier dans les deux catégories, c'est-à-dire anti-film de Noël et très-film de Noël. Parce que, bon, il va quand même avoir une réalisation de ses actions. Il va prendre conscience que... Donc, ça se finit quand même bien, ce film-là. Mais reste que tout au long, on déteste Noël. Ouais. Ça reste la base d'un anti-film de Noël. Et sinon, un film québécois, si jamais vous avez jamais vu, c'est sorti en 2003... Vous savez que Patrick Huard, c'est le film Nez Rouge. Oui. Peut-être est-ce que vous ne le connaissez pas, mais bon, c'était un critique, un journaliste qui a été arrêté pour ivresse au volant et il se doit de travailler pour Nez Rouge la veille de Noël avec une écrivaine dont il a critiqué le travail. Mm-hmm. Donc, ça n'hésitera pas, bien évidemment, à vouloir se venger. Ça va être peut-être même parfois quétaine. Ils finissent ensemble, c'est clair. En tout cas, il y a un petit French quelque part dans le film, je vous le dis tout de suite, je vole le punch. Mais c'est quand même bon, c'est quand même drôle. C'est vraiment à prendre à la légère. Pourquoi est-ce qu'on l'a classé dans anti-film, film anti-Noël? Ouais, parce qu'anti-film, ce serait... Je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas trouvé la raison du pourquoi. Parce que on pourrait très bien le classer lui aussi encore une fois dans les films classiques de Noël, ça se passe durant le temps des fêtes, mais bon, c'est sûr que de faire Nez Rouge la veille de Noël, c'est peut-être ça l'idée derrière l'anti-Noël. Probablement, c'est que t'es pas avec ta famille, tu le passes à ramener des gens sous, et il y a des histoires qui sont très très drôles qui se passent lorsqu'ils ramènent des gens en état d'ébriété dans les voitures. Ça a donc, dû tellement s'écrire tout seul ce film-là, ils ont dû demander à des gens qui ont travaillé pour Nez Rouge leur pire anecdote, là, puis ils ont scruté dans le texte, puis c'est fait. C'est sûr, ouais. C'est sûr, sûr. Je juge les auteurs de Nez Rouge. Clair, net et précis, je ne verrai pas d'autres raisons que ça. Le prochain et mon dernier, en fait, c'est le plus récent, sorti en 2016. Ça s'appelle Holidays. C'est un film qui regroupe différentes histoires sur les fêtes de l'année, comme par exemple, vous allez retrouver la Saint-Valentin, vous allez retrouver la nouvelle année et bien évidemment Noël. Donc, chacune d'entre elles, rien va se passer comme prévu. C'est peut-être même gore, un petit peu, là, style horreur. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. Kevin Smith joue là-dedans, Seth Green aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse, il se classe dans Anti-Noël. Il n'y a pas grand-chose de quétaine. Mais c'est sûr que n'importe quel film de Noël est à prendre à la légère. Ce n'est pas, pas des films que tu écoutes pour t'éduquer. Là. C'est non, des c'est films ça. Que tu écoutes un dimanche matin ou un samedi soir quand ça ne te tente pas trop de sortir parce qu'il fait froid. Wow. Donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu Grinch dans l'âme, qui sont zéro film Hallmark et Quétaine du dimanche matin. Tu décris très bien, je trouve. Je vous offre ceux-là. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Un cadeau empoisonné. Exactement. Pour me faire aimer Noël. Tout à fait. Écoute les Gremlins, je suis sûre que tu, ouais, tu vas aimer Noël après, parce que Gizmo, oh! Qui a jamais voulu un Gizmo dans sa vie après ça? Hey, il devrait animer un quiz puis s'appeler Gizmo Douin. Oh mon Dieu. Ah, ouais. Oh, avec sa petite sucre de Noël. Oh, non. Moi, j'ai un Gizmo. Achetez-moi pas un chien, j'ai un Gizmo. En plus, il y a plein de toutous de Gizmo. Hey, ça coûte cher aujourd'hui. Là, si vous allez sur eBay là, et que vous cherchez les figurines Gizmo ou les toutous Gizmo, ça peut être très, très élevé en prix parce que les collectionneurs cherchent ça. C'est un film de 84, là. Ça fait quand même un bon nombre d'années. Là. Les années 84. Pensez-y, là, ceux qui m'aiment, j'en veux un. Bon, le message est passé en ondes. Exactement. Pas grand monde va en acheter un. On passe beaucoup de messages en ondes. C'est ça, oui. Très subtil. Merci, Tania. Fait plaisir. Et notre chronique de Tania is gonna entertain ya tous les matins à Assemblage Requis. On s'écoute une pièce qui n'a rien à voir avec Noël, malheureusement. Non. Mais peut-être le fait qu'un cadeau, c'est comme un paquet, un colis. Donc, on écoute The Pack 80. voici Thomas Hardy. Assemblage Requis! Don't you let me late again. The Pack 80, une nouvelle entrée du palmarès anglophone, Thomas Hardy à Assemblage Requis. Mm-hmm. Et au retour de la pause, on mange. Ouh là là, c'est une grosse pointe dans le reste. Restez là. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Fou 89.1 FM 89.1 FM. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Toujours à l'assemblage Reiki, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. On t'entend taper pendant que tu parles. Ouais, je suis désolée. J'écris quelque chose. Bon. Recherche, recherche. C'est ça, on recherche. On a tout le temps quelque chose à faire ici, c'est le fun. Ben oui. Donc, toujours à l'assemblage Reiki, oui, à l'émission matinale en pièces détachées. Et tous les jeudis, depuis vraiment quand même un bon bout de temps, là, on est habitué. La tradition est installée à 9h30 mm-hmm. le jeudi. On doit manger quelque chose. Absolument. Et on appelle ça une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai acheté et que j'ai mis dans mon tiroir pendant quelques temps, c'est comme ça. Celui-là, par contre, j'ai mis dans mon armoire. Ah, okay, mais les bon. Produits de l'armoire, ça sonne moins bien, je trouve. C'est pas aussi winner. Mais j'avais gardé ça chez moi, j'avais pensé les manger tout seul, mais je me suis dit, Caroline, il y avait un article sur Internet qui en parlait, puis c'était nouveau, puis je me suis dit, je vais l'amener en studio, ça a l'air bon. C'est des triscuits, OK? Mais à la muscade et cannelle. Ah, mon Dieu! Tu t'attends pas à ça? Ben non! Un craquelin, donc, sucré, j'imagine. Muscade et cannelle, ça fait très automnal. Il est en spécial en ce moment. En tout cas, je l'ai vu à l'épicerie en spécial encore récemment. Ça dit qu'on pourrait le garnir d'une garniture à la patate douce et aux pommes, peut-être. Hein, ouais. Des petites pacanes dessus, quelque chose. Pourrait mettre un petit coulis de miel. Mais nous, évidemment, on va le goûter seulement avec le craquelin en tant que tel. Sur la boîte, on voit un bol de muscade. On voit des bâtons de cannelle, bien sûr. On voit, je crois que c'est comme un foulard. Ben oui. Quelque chose d'automnal, un petit peu. En tout cas, c'est comme une ceinture fléchée. Genre de ceinture fléchée. Je sais pas si c'est un chocolat chaud qu'on voit dans le coin ou quelque chose comme ça. Oh, je ne pourrais te dire. Bref. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que dans ma tête, triscuit, ça sonne à la base salé. Ça sonne très salé, exactement. Ça m'a surpris aussi. Habituellement, c'est tout le temps quelque chose bon au poire aussi. Ou ça. Mais là, c'est sucré. On va voir si c'est bon. Hein? Oui. Pourquoi pas? Il n'y a rien d'autre à dire, vraiment, à part peut-être quelques ingrédients. C'est majoritairement composé de blé à grains entiers, d'huile végétale, d'assaisonnement, cassonade, vinaigre blanc en poudre, arôme naturel, acide lactique et huile végétale. Donc, des trucs comme ça. Et il y a 17 grammes de grains entiers par portion de 19 grammes, c'est-à-dire 4 craquelins. Pas pire, hein? Je t'envoie ça. Attention. Oui. Hé, hein? Et le micro magique qui nous attend toujours. Il demandait un petit effort, c'est Un petit effort était difficile en matin, c'est ça. Il voulait pas se faire amener. Non. Ils sont pas tout à fait faciles. Faut tirer plus fort, des fois. Exactement, c'est ce qu'ils disent. Travailler plus fort. On sait que Tania a un talent là, pour les. Pour la boîte, ça va bien. Pour les boîtes, c'est toujours Ewan. Mm-hmm. C'est le sac qu'il y a dans la boîte qui se complique. Bon, classique triscuit. Oui, déjà bon, on connaît ça. À la vue. J'ai ça, les sacs cirés, genre. Mais pourquoi tu le déchirais pas par les fentes à la place, non? Pourquoi il y a des questions aussi compliquées dans la vie? Non, j'essaie de simplifier la vie. Pourquoi c'est compliqué d'ouvrir un Moses de petit sac triscuit? Pas qu'elle serait un ciseau, je pense. Je l'ai. Tu l'as? Ah bon. Merci, Mathieu, du truc. Ça fait plaisir. Je vais plus jamais ouvrir un sac de la même manière. Tu vois. Je suis là pour toi. Oh, ça sent quoi, la cannelle, la muscade? Ça sent les bonhommes pain d'épices. Ah, ça va être bon! Oh my God! Est-ce que tu penses que le petit salé va être là quand même pour faire un genre de sucré salé? Ben, je te dirais qu'il y a comme une petite touche, là, juste à l'odeur. Ouais. Qui se remarque du triscuit. OK. Je vous brasse ça dans merci, le micro. Merci. Je vais même en prendre deux. OK. Pour bien... Bien goûter l'arôme de cannelle. Je te reprends la boîte. Merci. Beaucoup. Je retourne à mon micro. Oui. Et moi, j'en prends aussi un ou deux à la fois. Côté couleur, ça ressemble à un triscuit tout à fait traditionnel. On remarque des petits points de quelque chose. Mm-hmm. Ça sent les croque-cannelle, les céréales croque-cannelle, évidemment, parce que c'est j'aime la cannelle. J'aime goûter, mais... Ça fait sucré, vraiment sucré. Oui, je trouve que ça sent le thé chai aussi. Oui, aussi. C'est bon. Ça me donne vraiment envie d'y goûter. Ouais, allons-y. Allons-y. Il y a un petit peu de salé quand même, non? Ouais. Je pense que c'est la muscade qui fait ça. Ça se peut? Ça remplit la bouche vraiment. Il y a une touche de sel. Mm-hmm. J'aime bien. C'est plus fade que j'aurais pensé. Ouais. C'est pas aussi puissant. Ça sent plus fort que ça goûte fort. Je suis d'accord avec toi. Ça goûte quasiment rien. Ça goûte beaucoup plus la muscade que ça ne sent la cannelle. Ouais. Tu sais, à l'odeur, quand t'es sent, ça sent vraiment la cannelle. Quand tu y goûtes, ça goûte la muscade. Mm-hmm. Je m'attendais à un plus grand punch, honnêtement. Bon, ouais. Je suis un petit peu déçu. Oui, okay. Pour quelque chose de tonal qui est supposé te donner un petit... Surtout si c'était pour mettre en plus des saveurs comme des pacanes, pommes et tout ça, faut que la cannelle ressorte vraiment plus que ça. Mais là, je pense que c'est comme les fibres qui font en sorte que ça le... gober le goût. Ben, en même temps, peut-être un petit peu, mais je suis un grand, grand, grand fan de triscuits, par exemple, au poivre et au sel de mer et romarin ou huile d'olive, des trucs comme ça. J'en achète tout le temps des triscuits, je suis un grand fan. Et la saveur prend souvent le dessus sur le blé, donc je comprends pas pourquoi là, c'est le blé qui prend le Il faut le dire à la base que l'essence qu'il y a dessus, c'est de la poudre. C'est sûr. Est-ce donc, que tu penses que c'est tombé dans le fond? Là, j'en avais deux. OK. La première, je l'ai vraiment pris là, sur le top. Là. C'était la première qu'il y avait. Elle était fade. Celle-là, celle que j'ai tout juste goûtée, je trouve qu'au deuxième, le goût se ressent plus. Pas la cannelle. Toujours non. Pas la cannelle. La muscade, mais beaucoup plus intense. OK. J'ai viré le sac à l'envers en tenant bien fermement l'ouverture pour essayer de ramener la garniture sur le sommet pour voir si ça donne quelque chose d'autre. Attention. Ouais, exactement. La saveur était au fond du sac. C'est vraiment ça. Je pense que je change mon verdict. Ça goûte meilleur. Moi aussi. Le deuxième coup, la première que tu manges, je fais comme... Okay, c'est fade. La deuxième, par contre, avec un petit brassage de poudre, ça passe bien. C'est long à mâcher, hein? C'est très long à mâcher. J'y reviens dans 2 secondes. Voilà, pouce bon. En l'air. Ouais, pouce en l'air, moi aussi. Assurez-vous de brasser la boîte. Je l'aurais peut-être mis sur le côté en mangeant moi aussi. Qu'une seule. Là, j'en ai mangé 2, pouce en l'air. Mais c'est un conseil qu'on donne souvent pour les sacs de chips de l'ouvrir à l'envers. Donc, on pourrait peut-être faire la même chose pour les craquelins. C'est vrai. Ce serait une bonne idée, sinon la saveur s'entasse avec le shipping, la manutention. Voilà, donc c'était les triscuits à la muscade et cannelle en série limitée. Assurez-vous d'en acheter bientôt, hein, parce que ça va probablement pas rester très très longtemps jusqu'à temps qu'ils épuisent leur stock. Il n'y en aura plus après. Donc profitez-en. Maintenant, nouvelle fast-food, comme on fait toujours. Commençons au Japon avec McDonald's qui amène des bouchées de patates fromagées. Ouh là là! Et on dit que c'est comme des petites boules de joie. Ah ben, je comprends donc. Tellement. Donc, on parle du Japon avec leur plus récente addition sur le menu. C'est supposément inspiré par les États-Unis. Donc, c'est des bouchées de patates cheddar américain, donc le fromage orange, comme on l'appelle. C'est de la grosseur de petites croquettes de poulet, là. Et c'est des boules de patates servies comme à côté. C'est pour un temps limité seulement. Ça peut pas durer, hein? Mais non, ça a l'air vraiment malheureusement. Bon. J'en mangerais probablement une vingtaine de ça. On va chez Carl's Jr. et Hardee's qui offrent un rabais de 50% sur les gros hamburgers Angus aux employés des compétiteurs. OK. Ça se passait hier, 29 novembre, donc pour montrer la bonne saveur de ces restaurants. Carl's Jr. et Hardee's, c'est la même chaîne. Donc, on donnait un rabais de 50% sur n'importe quel Angus Charbroiled Thick Burger à n'importe quel employé d'un compétiteur qui portait son uniforme. Oh, d'accord. Hier, mercredi, donc la promotion qui avait lieu à partir de 10h30 jusqu'à la fermeture heure locale. L'idée est quand même vraiment bonne de montrer comment ils sont meilleurs que les autres. Ensuite, des employés de supermarché qui vont compétitionner, faire compétition, voilà, dans un concours de mise en sac au niveau national. L'efficacité, c'est vraiment le roi, la reine. Si on veut, dans les épiceries, les meilleurs employés, on le sait, sont ceux qui vont faire les sacs les mieux placés, finalement. Oui, oui, oui, tout à fait. J'ai ça que mon pain soit tout défait. C'est tout le temps la même chose. Ouais, ouais. C'est tout le temps le pain qui souffre de tout. Je sais. Mais bon, t'es supposé le mettre sur le dessus, le pain. C'est pas compliqué, il me semble. Mais bref, c'est l'Associated Press qui nous dit qu'une enseignante, Alicia O'Rourke, de Portsmouth, dans le New Hampshire, a récemment gagné une compétition de meilleur emballeur dans son état. Et elle s'en va maintenant aux finales américaines qui auront lieu à Las Vegas en février 2018, commandité par la National Grocers Association, donc la NGA. À Las Vegas, les finalistes de plus d'une douzaine d'États, de Washington à la Floride, vont se battre sur une scène pour voir qui est vraiment roi ou reine des caisses enregistreuses. Les compétiteurs vont être jugés sur la distribution du poids dans le sac. Ça, c'est une autre affaire, hein. Pour vrai, ils mettent tout le temps des affaires super, super lourdes dans un seul sac et des affaires légères dans un autre sac. Mm-hmm. Peux-tu t'y répartir un petit peu, tu sais? Je te demande la base, vraiment la base. Bref. Juger sur le poids, la distribution du poids, l'apparence de leur emballage, la vitesse et leur technique, donc pas de pain aplati ou de fruits avec des pocs dessus. Madame O'Rourke, qui travaille les soirs et les fêtes de semaine dans une épicerie locale, dit qu'au départ, elle était très maladroite. Sa première journée en tant qu'emballeuse, elle a échappé une bouteille de liqueur et ça a explosé partout. Oh non! Ah, c'est triste. Malaise. Mais avec le temps, O'Rourke est devenue vraiment bonne. Elle a décidé de compétitionner dans l'état du New Hampshire et après ça, elle a réussi à se rendre au final national parce qu'elle était 10 secondes plus rapide que la personne en deuxième place au niveau local. Les compétiteurs qui vont aller donc à la compétition Best Bagger vont s'affronter pour voir qui peut avoir le meilleur service à la clientèle dans le court temps. Oui, c'est ça. Donc le grand prix est de 10 000 $ et ça va être donné à un employé d'épicerie qui a une fierté pour sa compagnie et qui s'engage de façon enthousiaste à offrir le meilleur service à la clientèle. J'ai encore des bouts de blé partout. Ouais, moi avec. Vraiment le fun. Ensuite, une travailleuse dans un fast-food. Hey, c'est dégueulasse. Je le sais, qui a mis du sang menstruel et du crachat dans le burger d'un client à problème. Ouais, donc c'est liquide corporel. Elle va passer un an en prison pour cette cascade. Selon The Commercial Dispatch, c'est Sky Samuel, 19 ans, qui a plaidé coupable après avoir servi donc une... on dit l'appellation, c'est unwholesome bread or drink. Donc que ce soit du pain ou une boisson qui ne serait pas correcte pour la distribution, l'ingurgite, comment t'appellerais ça? Bref, c'était un problème qu'elle avait avec une femme qui était cliente du restaurant. Donc l'adolescente aurait ajouté du sang menstruel et du crachat à son burger avant de lui servir. On s'en est rendu compte lorsqu'un collègue de travail a dit à leur mère, à sa mère, dans le fond pas à la mère de Sky, mais à la mère de ce collègue de travail-là. Mm-hmm. Et la mère, Tabitha Hollins, est allée sur Facebook pour alerter tout le monde par rapport à cet incident-là qui a eu lieu le 7 janvier dernier. Donc elle disait sur Facebook que cette pauvre femme-là marche dans la rue et ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ça s'est passé dans un restaurant nommé Jack's entre 22h et 22h30 le 7 janvier 2017. Et si t'as commandé un Big Jack avec un Sprite, t'as reçu pas mal plus que du ketchup, a-t-elle écrit sur Facebook. Oh non! Le porte-parole du restaurant, Miguel Piedra, a dit au dispatch que peu de temps après ça, Samuel et un autre employé ont été renvoyés pour avoir donc évidemment violé les politiques de la compagnie. Et puis un juge lui a donné à Samuel 5 ans en prison avec 4 années suspendues de suspension, je sais pas trop ce que ça veut dire, et 4 ans de supervision après sa sortie. Voilà. Et la raison que la sentence était faible, c'est parce qu'elle avait pas commis de crime avant. De crime, ouais, c'est pas possible. Son dossier était vide. Ensuite, on parle toujours de hamburgers. C'est en 1938 où le New York Times pensait vraiment que les cheeseburgers étaient juste une nouvelle mode qui allait passer. C'est une mode éphémère. Mm-hmm. Donc, c'est dans la section tendance du New York Times. On parle de plein de choses depuis le début du journal là-dedans, mais en 1938, petit throwback là-dedans, cheeseburger qui a été mentionné pour la première fois en octobre 1938 dans une longue liste de trucs qu'on pouvait manger ou faire en Californie, qui était un petit peu comme fofolle, le fun. Et ensuite, 9 ans plus tard, en 1947, le Times a revisité cette mode-là en écrivant qu'au départ, la combinaison de bœuf, fromage et tomates, qui sont des fois utilisées, pourrait avoir l'air bizarre mise ensemble. Donc pour eux, c'était bizarre d'avoir bœuf, fromage et tomates. Bon. Ça va pas ensemble. Ouais. Donc le journaliste, heureusement, a quand même réfléchi à son affaire et a dit « Si tu y penses un petit peu, tu peux comprendre que la combinaison est quand même assez gastronomique. » Un cheeseburger, c'est gastronomique. » Hein? Et maintenant, ben, 70 ans plus tard, évidemment, on a des burgers avec du brie, du gorgonzola, ou peu importe, on peut dépenser jusqu'à 300$ sur un hamburger, selon cet article. Il y a plusieurs chaînes où on peut commander des piles et des piles et des piles de boulettes, une par-dessus l'autre, avec plein d'affaires entre. Mais évidemment, faites pas comme Google, en mettant comme sur votre emoji là, de Google, le fromage avec le pain. Ils mettent pain, fromage, et ensuite le reste, genre salade, tomate, viande. Le fromage va sur la boulette, évidemment. Oui. Pour qu'ils fondent. C'est vrai. Et là, ben, vous avez peut-être vu passer la nouvelle qu'ils ont corrigé l'emoji Google pour la prochaine version de leur Android. Ouais. Tu sais ce que je fais? Moi, je le mets... Voyons, t'as l'air d'avoir honte. Je fais boulette. Ouais. Salade. On part du bas, hein? Ouais, on part du boulette, bas. Boulette, salade, ouais. Tomate. Tomate. Fromage. Ouais, mais ton fromage fond pas. Ouais, mais c'est parce que j'haïs ça avec mon pain de trempe. Ah, je comprends. Moi, ouais, j'avoue. Mm-hmm. Je peux comprendre, hein? Il faut peser les pour et les contre. Ouais, hein? Je l'ai fait à l'envers. Je suis désolée. Mais au moins, tu mets pas ton fromage en bas après le pain. Non. Mais non. Ensuite, pendant la saison des fêtes, on a déjà parlé de ce sujet-là, mais on va raconter un petit peu plus de détails sur le fait qu'on devrait pas manger de pâte à biscuits. Ouais, non, oubliez ça, là. Oubliez ça, et c'est pas pour la raison qu'on pense, en fait. Faire des biscuits des fêtes, lécher le bol, c'est une tradition pour bien des familles. Bon, on sait que les œufs crus ont un potentiel risque de salmonelle, hein, et qu'on devrait pas manger non plus la pâte à tarte. Le New York Times dit que c'est la farine, en fait, qui n'est pas cuite qui peut causer des maladies, selon une nouvelle étude publiée par le New England Journal of Medicine. Les auteurs ont enquêté sur le E. coli à la fin de 2015 et début 2016, qui a causé le colis 63 cas de maladie dans 24 États américains, et ça a mené au rappel de plus de 10 millions de livres de farine General Mills et des douzaines de produits qui contenaient l'ingrédient. Ils ont conclu donc que cette bactérie E. coli peut vivre dans la farine crue. Et en plus, ça peut vivre aussi dans des nourritures qui sont humides, mouillées, comme la viande de hamburger et les fruits et légumes. Mais c'est encore... Et on dit que c'est encore plus... pas populaire, mais propagé qu'on le pense tant que tel. Donc, les autorités là-dessus ont conduit des entrevues avec 10 personnes affectées pour identifier qu'est-ce qui était coupable dans leur alimentation. Pour identifier donc la farine, entre autres. Et deux se sont rappelés avoir mangé de la pâte à biscuits crue. Juste avant de tomber malade. Deux sacs de farine utilisés pour faire ça ont été retracés à la même usine et on a pu localiser finalement le lieu de départ de ce E. coli. Donc ça peut rester le coli endormi pendant plusieurs mois, mais ça se réactive lorsqu'on l'ajoute à des œufs, de l'huile et de l'eau. Et les pâtissiers peuvent éviter l'infection en traitant la farine crue à la chaleur, en lavant leurs mains avec de l'eau chaude et du savon après y avoir touché, ou simplement en résistant à la tentation de manger cette concoction, cette pâte à biscuits crue. Justement, parlant de choses délicieuses et sucrées, malheur, dit-on, Ferrero a modifié la recette de son Nutella. Selon l'association allemande de consommateurs, Ferrero aurait modifié la recette de sa célèbre pâte à tartiner qu'on appelle Nutella, trouvant celle-ci plus claire qu'ordinaire. Que d'ordinaire, oui, les membres de la Verbrauchensendrang ont étudié de près l'étiquette et, surprise, comme l'association l'a indiqué sur sa page Facebook, la teneur en lait écrémé en poudre a augmenté, passant de 7,5 à 8,7%, d'où une teinte plus pâle de la pâte à tartiner. Ben, mais c'est pas le seul changement. Selon les informations fournies par Ferrero sur l'étiquette des pots de Nutella, la teneur en graisse est passée de 31,8 à 30,9%, donc une baisse qu'on dit appréciable. La teneur en sucre, quant à elle, a augmenté, passant de 55,9 à 56,3%. Contacté par ce même média, Ferrero n'a pas souhaité commenter. Les gens qui aiment le Nutella ont maintenant donc à déterminer eux-mêmes si le goût a changé en tant que tel. Mais ça devrait, étant donné tous les changements. C'est bizarre, comment? Ouais. Ensuite, t'as sûrement déjà entendu parler, en fait, je t'en ai déjà parlé, donc c'est sûr que si tu m'écoutais, tu t'en rappelles, les machines à crème glacée chez McDonald's sont souvent brisées. Oui. Particulièrement aux États-Unis, donc il y a une nouvelle application qui vous permet de savoir si votre McDonald's américain préféré a une machine fonctionnelle de crème glacée. Je te jure. C'est bien ça, par exemple. Oui, hein. Donc c'est Ice Check, une application qui vérifie donc le statut des machines à crème glacée locales de chez McDonald's, un peu comme Waze ou les applications de vérification de prix du gaz. Les gens, c'est la communauté qui eux-mêmes disent, en tout cas, bref, tu comprends, le statut de leur machine de McFlurry. Ouais. Donc, l'application fonctionne apparemment très bien. L'article dit que leur McDonald's local fonctionnait très bien et ça peut aller à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est disponible sur iOS gratuitement. Évidemment, il faut être aux États-Unis pour l'instant. Ensuite, on va chez Hershey pour une nouvelle barre de chocolat. Ça fait vraiment longtemps que Hershey n'a pas amené une nouvelle barre de chocolat. Vraiment, ça fait en fait 22 ans. 22! Mon Dieu, quand même! Et la prochaine barre qu'ils sortent est la Hershey's Gold aux arachides et aux bretzels avec crème caramélisée. Oh, ça a l'air vraiment bon tout ça. Ça s'appelle Hershey's Gold Peanuts and Pretzels. Donc, nouvelle découverte dans le département des bonbons. C'est le compte Instagram The Junk Food Isle qui a sorti la nouvelle en premier. Donc, comme on dit, c'est la, ça fait 22 ans qu'on n'a pas eu de nouvelle barre de chocolat chez Hershey. Cette barre-là est de couleur dorée. OK. Et donc, à la place du chocolat qu'on aurait dans une barre traditionnelle, c'est de la crème caramélisée qui sert d'enrobage. Hmm. C'est comme un twist, une twist sur l'idée d'une barre de chocolat Hershey's classique. Ça a l'air absolument excellent. Arachide, bretzel et crème caramélisée. Je sais pas, mais j'en veux, mais tellement beaucoup. Ben là, je comprends donc. Hershey's Gold, même disponible en king size. Ça a l'air tellement fabuleux. Ensuite, on a un hôtel Marriott qui peut te livrer un beigne de 10 livres directement à ta porte. Ben voyons. Je te le promets, la photo est extraordinaire. Allez voir sur assemblagejockey.com. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, JW Marriott Desert Springs and Resort and Spa en Californie qui offre un Donut Disturb. Tu comprends le jeu de mots Donut Disturb et Donut Disturb? Donc, c'est un spécial, un beigne de 10 livres amené via le service aux chambres pour le prix très raisonnable de 219 $ américains. Ça inclut un round aussi de milkshake, de lait frappé pour aller avec ce beigne-là et un crédit de 50 $ à utiliser au spa, au terrain de golf ou pour manger à l'hôtel, peu importe. Comment est-ce qu'on a créé ce gros beigne-là? Ben, techniquement, c'est un gâteau. C'est fait frais, donc à même l'hôtel, avec du gâteau chiffon à la vanille, de la crème et de la confiture aux framboises moulée en forme de beigne. Et ensuite, on couvre ça de fondant avec une laque de café envoyée à l'extérieur pour lui donner l'apparence d'un beigne fraîchement frit. Il y a un petit coulis de fraises sur le dessus et ensuite, on ajoute des sprinkles faits maison. Ah, l'équipe chez Food Beast a commandé ce beigne-là et on peut vivre leur émotion en allant voir les photos. Ça a l'air vraiment le fun. Est-ce que tu as entendu parler des céréales Mario, Super Mario qui s'en viennent? Mm-hmm. Les céréales Super Mario pour la sortie de Super Mario Odyssey? Non, j'ai pas vu. Ben ça s'en vient et en fait on a maintenant une photo et on a vu dans l'inventaire des magasins Target qu'est-ce que ça allait être finalement. Ben oui, évidemment, Target. Target. Donc, il y a eu des rumeurs pendant quelques jours que Nintendo allait produire une série de céréales Super Mario en partenariat avec Kellogg's et que chaque boîte allait contenir une puce NFC pour ajouter la fonctionnalité d'un Amiibo. Tu connais les figurines de Nintendo Amiibo qui te donnent des options de plus dans un jeu. Ben, la boîte va elle-même servir de puce NFC Amiibo. Donc maintenant, c'est confirmé. Brickseek, un site qu'on peut utiliser pour retracer les inventaires de certains magasins, dont Target, ben avait un listing pour les Super Mario Cereal. Mais pour l'instant, c'est pas sur leur site web ou rien, en tout cas en date de l'article. Mais pour vrai, ça a l'air vraiment bon. Et ça ressemble un petit peu à des Lucky Charms. Donc, t'as vraiment des guimauves. La photo a été retirée de l'article. Ouais, il n'y a pas de photo. Non, je sais, c'est dommage parce que je l'ai vue hier, la photo, elle était dans l'article. Ah, bon. Tristesse. Bref, on peut la voir de loin si on clique sur la source de l'article. Mais bon, bref, peu importe. Mais ça ressemble un petit peu à des Lucky Charms avec des blocs pour interrogation. Je pense qu'il y a un champignon, quelque chose comme ça. Tout ça en guimauve. Ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte de goûter à ça. Super Mario Cereal. Continuons avec une nouvelle qui commence à dater, mais que je trouvais intéressante. C'est la Food and Drug Administration aux États-Unis au début du mois d'octobre qui a dit à un fabricant de granola que l'amour n'est pas un ingrédient. Parce que pour vrai, dans les ingrédients, oui, ça disait cassonade, je sais pas quelle sorte de céréales. Blablabla, est fait avec amour. Est fait avec amour. Donc la US Food and Drug Administration a sorti un avertissement, une lettre qui a été envoyée à Nashoba Brook Bakery, les réprimandant, leur chiolant dessus. Cette compagnie basée à West Concord dans le Massachusetts qui utilisait l'amour comme ingrédient, en fait, directement dans les ingrédients. OK. C'est comme ça. L'amour, ça dit que ce n'est pas un ingrédient. Ingrédient, entre parenthèses, l'amour n'est pas un ingrédient. C'est ça. Et ils vendent leurs produits dans 120 magasins, surtout dans le Massachusetts et le New Hampshire, selon leur site web. Ils ont été avertis par rapport à leurs produits. Ils vont devoir changer leur emballage. Ils avaient 15 jours pour répondre, pour en faire réparer leur problème. Ça va être pas mal ça pour notre collègue d'aujourd'hui, pour une grosse pointe d'adresse. C'était le fun, ça? très le fun. On fait ça. J'ai encore du bleu. Moi aussi, je sais pas. Je voulais prendre un genre de 30 secondes pour boire quelque chose, mais non. L'émission non, va venir à toute allure, comme toujours. Donc, on fait ça les jeudis matin à 9h30 environ dans Assemblage Requis. Les notes de l'émission contiennent tous les liens. C'est les notes de l'émission numéro 1165. Et c'est là-dessus qu'on termine l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à Catherine Langlois qui nous a fait sa chronique Voyage tout à l'heure. Merci à toi, Tania Baudin, bien sûr. Merci à toi, Mathieu Plante. Lundi à l'émission, on va avoir notre ami Xavier McLeish pour sa chronique. Oui. Sa chronique humoristique, toujours. Exactement. Et puis, ça va être la semaine d'Alicia Lemieux aussi pour sa chronique éco-responsable en début d'émission. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, bien sûr, Patriote en action s'en vient à partir de 11h, donc en plus ou moins une heure. Manquez pas la rediffusion du Mathieu Plante Show à 13h. Manquez pas non plus Très Blues Assez Fou à 19h avec Denis Baudin, s'il vous plaît. Hein? Oui, non, soyez là. Il se force vraiment pour cette émission-là, c'est le fun. Cif.ca. Oui. Quoi? C'était pas sarcastique. Non, non, je sais. Okay. Cif.ca pour la programmation complète. assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On va se quitter avec une pièce du palmarès francophone, mais d'il y a quelques mois quand même. C'est okay. Une pièce qu'on a aimée cet été. C'est Long Gone, The Days. Ah, oh, quelle tune qu'on aime! Ça m'a tenté de la ressortir un petit peu. Et on se retrouve demain, 7h, avec notre édition week-end. Bon café, tout le monde! Bye! Sentir le